Le plan de cette semaine à Assemblage requis. Tania sera de retour de son long congé à Rio et nous fera son résumé des 31e Olympiades. Et on souhaitera que l'été continue le plus longtemps possible dans une grosse pointe tendresse. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis pour la semaine du 22 août 2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Bourdin. Allô, Tania, on est en direct des studios de 6 fois à Trois-Rivières. T'as passé de belles vacances? Ça fait quoi? Oui. Si on y va en nom littéral le jour, ça fait 3 semaines. Ouais. Tout à fait. T'as bien raison. T'étais à Rio? Oui, c'est ça. J'allais couvrir les Jeux Olympiques de Rio. C'est pour ça que je viens tout juste de revenir. C'est ça. Le Zika par après, évidemment, pour il fait du temps remettre quand même. Ben oui, c'est ça, en plus. Donc, en plus, ta maison a été inondée aussi. Ma maison a été inondée? Sûrement, ouais. Ah ouais? Toutes les nouvelles en même temps. Je sais pas. Je pense aussi comment tu sais que ma maison a été inondée puis moi je suis pas au courant. Tu t'es fait frapper par un camion aussi devant l'hôpital alors que t'étais enceinte. Ah ouais. Ok. Ça en est passé des choses en actualité. Hein. Ah c'est fou. T'as manqué beaucoup de choses. J'ai manqué beaucoup de choses pendant que j'étais à Rio. Non. Mais non, j'étais au Grand Prix de Trois-Rivières en partant et par la suite j'ai tombé en vacances comme tu l'as si bien dit puis là je suis de retour tout simplement. Yeah. J'ai pas vraiment été à Rio malheureusement. Ah dommage. Ça aurait tellement été plaisant. L'année prochaine peut-être. Ah ça serait fun. Une fois que ça va être en ruine. Ouais, c'est ça. C'est ça. On va s'en parler plus tard. On sait ce qui se passe, oui, après les Jeux Olympiques. Oh oui. Justement, tiens, ben, tant qu'à parler d'Olympiques, tu vas nous parler tantôt de ça. Alors, ta chronique, Tania Zgolanchichenia. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Olympique? Dans quel sens tu vas nous parler de ça? Bien, on se souvient avant que je parte en vacances et quand j'avais encore de la voix, j'ai décidé de parler des Jeux Olympiques, puis des espoirs canadiens, des espoirs des médailles, puis tout ça. Alors, tout simplement, j'ai décidé de faire un retour parce qu'on l'a fait. Ça a commencé, là. Les Jeux n'étaient pas encore arrivés. Ouais. Ça allait se passer, je pense, c'était le vendredi ou le jeudi, la cérémonie d'ouverture. Oui. Alors, j'ai fait une bonne rétrospective de qui étaient les espoirs olympiques canadiens. Et aujourd'hui, j'ai tout simplement le goût de clore ça. Oui. Hey, on peut pas mieux dire. Par la boucle. C'est mon show de clôture des Jeux olympiques. La parade, ça va être incroyable. C'est ça, c'est la parade. Vous allez voir tantôt, il va y avoir du monde en studio, ça va applaudir. Ah, ouais. Oubliez pas caméra 3. Y a-tu Mario Bros comme dans la vraie cérémonie de fermeture? Ah non, mais c'est Luigi. C'est Luigi à place. j'ai appelé Luigi à place de Mario. Luigi! Exactement. Génial. Donc, tant qu'à faire ta chronique, Tania Zgolanchichenia sur les Olympiques, j'ai aussi préparé un petit c'est un fait à tendance olympique tout à l'heure. J'ai bien hâte de voir. On se souvient aussi, quand on a fait la diffusion du Grand Prix Trois-Rivières, pour ceux qui n'étaient pas là, Mathieu est venu me donner un très bon coup de main à chaque matin qu'on a fait la radio diffusion. J'ai fait un c'est un fait sur les chars. Exactement. Hey, je dois te dire, Mathieu, j'étais tellement impressionnée. Ah ouais. Bon. On aurait dit que tu avais vraiment du plaisir. Oui, ben j'aimais ça. Comparé à l'habitude, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. À parler de voiture et à parler de char, on aurait dit que tu étais intéressé à ça pour vrai. Mais quand c'est moi qui parle, hein? Les gens aussi tellement. Ont dit que tu avais l'air d'être intéressé à ce que je disais, puis ce que tu disais. Fait que t'as fait du bon travail, docteur. Ah, et toi, t'as fait du bon travail d'animatrice. Donc, merci. On s'est fait une équipe du tonnerre comme toujours. Voilà. Et on continue comme ça pour le reste de la vie. Ben oui. C'est ça. On a aussi une collègue, ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. T'as manqué la semaine passée. J'ai fait la suite des affaires de voiture la semaine passée. Ah, dans t'es sérieux? Existe, ouais, ça. Puis j'étais pas là? Ben non, malheureusement. Je suis triste. Et à toute fin, en dernière heure, une grosse pointe d'adresse. Là, c'est vraiment la chronique que j'entendais depuis à peu près un mois. Okay. J'ai vu ce produit-là il y a un mois au dépanneur. Je me suis dit, un jour on va faire une chronique. Et là, on s'est empêché. Il y avait tout le temps plein de produits qui. C'est pas aujourd'hui qu'on se saoule en onde, hein? Oui. Il reste pas grand temps l'été, là. Non, je sais. On ne sait pas encore. C'est Canada. C'est la fin estivale, en tout cas. Ça, je me souviens oui, de ça. Oui, super estival. Il nous reste quoi? Une, deux émissions, peut-être? Trois, je ne sais pas. On n'a aucune on idée. On ne sait pas encore, mais on travaille fort là-dessus. On travaille fort. Mais avant qu'on sache rétroactivement que c'était la dernière émission d'été, ou c'est bien le faire tout de suite. Tu comprends? Oui, tout à fait. Ça s'en vient vers la fin de l'émission. Dans quelques instants, c'est un fait. Nous sommes en studio, madame. Oui. Party! Party! Au 1006 F. Non, 1001B. 1001B, j'étais proche. Hein. J'étais 1001B à l'ATE. Pavillon de la vie étudiante. Oui, c'est ça, exactement. À l'université, bien évidemment. Venez nous voir, et puis si ça nous tente, on va fermer la porte. Puis sinon, ouais, c'est ça. Si vous faites trop de bruit. Sinon, on va vous donner une chaise, puis vous allez pouvoir vous joindre à nous. Des fois, les gens viennent attirer de l'argent. Ça dépend de qui. Moi, c'est ça. Si c'est du monde qu'on connaît, on va continuer. Exactement. Bref, petite pièce musicale, tiens, qu'on dédie à tous les gens qu'on aime. Oui, parce qu'on vous pitche dans la piscine. Ah oui, tout à fait. Hein, juste pour vous rafraîchir un petit peu, voici Hypno Love et la pièce La piscine. À son âge, Ricky. Ah, c'est vous, 89 FM. Splash, splash. Tout en prenant mon bain. T'es une petite fille propre, toi. Ouais, tout à fait, je suis une bonne fille. Hypno Love. Avec la pièce La Piscine. Oui, toujours à Assemblage Requis, l'émission estivale en pièces détachées. On l'a dit, l'été passe vraiment vite. Il ne nous reste pas beaucoup d'émissions ensemble dans cette case horaire estivale. Il faut en profiter. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on fait. Et en plus, ça donne une drôle d'impression parce qu'il y a 2 ans, on était en train de déménager le studio vers la fin de l'été. L'été passé, on était en train de, on était sur des tables temporaires. Le tiers monde de la radio, etc. etc. Oui. Faut pas dire des affaires de même. Non, c'est terrible. Il va falloir faire des excuses publiques après. Désolé à tous. Et cette année, ben, crime, ils refont 10-12. Fait que, tu sais, on a tout à la construction l'été. C'est vrai, mais on se rappelle le 10-12, ça a vraiment l'air d'un gymnase. Oui, d'un gymnase. Mais peut-être que ce sera plus le cas. C'est ça, je pense que c'est le projet présentement. Ça se peut, les gars sont de chaque côté, ils vont peut-être venir nous dire des oui, ce sera plus un gymnase. On sait. On va essayer de s'informer. Bref, ben oui, on aime ça s'informer. On est des gens qui ont soif de connaissances. On veut s'abreuver de l'alcool, du nectar pur de l'apprentissage. Oui. Donc voici, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véritables et vérifiables selon Internet. Les sources sont sur assemblagerequis.com. Et pour premier bloc, aujourd'hui, je vous ai préparé un petit bloc Olympiade pour célébrer tout ce qui s'est passé à Rio de Janeiro. Et tu sais que la marque de commerce, elle ne nous appartient pas, donc on dira pas le mot là, avec un gros O majuscule, là, parce qu'on va se faire poursuivre! Genre olympique? T'as pas remarqué que dans les médias, il y avait juste le droit d'utiliser des photos et il y avait juste le droit de marquer Rio 2016, il n'y a pas jamais le mot avec un gros O majuscule? Non, dans aucun média sauf à Radio-Canada. Ceux qui ont la licence du comité international olympique. Radio-Can avait le droit, mais moi, je l'écoutais à Radio-Can ou TSN. Mais est-ce qu'on est à Radio-Can ou à TSN? Ben... Pas sûr que oui! Ça dépend pour qui. Oui, toi peut-être, mais live, là, en ce moment, est-ce que t'es payé par TSN? Oh boy! Hein? Présentement, j'aimerais bien ça. C'est ça. Au contraire. Bref. Ça pour dire que nous, on utilise un mot avec un O minuscule, donc les Olympiades. Ah, voilà, c'est ça qu'il faut dire. La poursuite, sinon. Avais-tu ça, toi, quand t'allais au primaire, des Olympiades? Oui, mais tu penses à bien d'où? C'était tellement le fun. Mais, le saut en longueur, hein? Ah, le tir du poids, là. Le tir du poids, oui, c'est ça. Quelque chose que je ne pourrais plus faire aujourd'hui avec la clavicule que j'ai, mais... C'est quoi la fois où il fallait que tu détaches la queue de quelqu'un, là? Ah, ça, c'est pas l'affaire du cheval? Ouais, c'est ça. C'est pas des Olympiades, ça? Non, je sais, mais qu'est-ce qu'on après le monde, tu leur enlèves la queue? Je sais pas, Mathieu, il y a vraiment beaucoup de choses qui passent en tête. Moi, j'ai préparé beaucoup de choses pour les Olympiades. Oui. Et Colin, j'en ai préparé beaucoup trop. Donc, on a une heure devant nous pour clencher ça. Okay? On aime ça. Commençons par les médailles d'or olympiques. Olympiades, des Olympiades. Oui, les Olympiades, pas les Olympiades. Non, sont faits seulement à 1% d'or. Pour vrai? Et 92,5% d'argent. Ah ben, Moses. En fait, les médailles auraient une valeur de plus de 25 000 $ si elles étaient en or pur, mais à la place, la médaille a seulement une valeur d'environ 600 $. Ah ouais? Donc, si dans les pawn shops, là, vous recevez une médaille d'Olympiade, vous voulez leur donner 25 000 $. C'est ça, sachez que vous vous êtes fait avoir. C'est ça, dommage. La France donne des médailles aux citoyens qui ont réussi à élever plusieurs enfants avec dignité. Ah ouais? C'est pas des médailles d'Olympiade, mais quand même. Une médaille d'or, d'argent ou de bronze lorsque tu élèves plusieurs enfants avec dignité. C'est sympathique. Puis c'est quoi? Qu'est-ce qui juge de dignité? J'imagine que si la DPJ a pas été appelée. Finalement, toute famille a une médaille. C'est ça. S'il se rend l'enfant à 18 ans sans aucune marque sur le corps. On sait pas. C'est tellement méchant. Les arts martiaux mixtes. Oui. MMA. Qu'on oui, appelle. Oui. On faisait ça à l'époque aux Olympiades. Je sais, je pense que les premières avaient été à Athènes en plus. Je crois que oui. Ça s'appelait le Pancration. OK, c'est... Pancration, et c'est le seul événement qui n'a pas été ramené avec la création des Olympiades modernes. C'est parce qu'ils perdaient tout leur pancréas. Pancréas. Tu trouvais pas que c'est ça que t'as pas, toi? Non, moi, c'est la vésicule biliaire. Dis une médecine que je suis pas bon là-dedans. J'ai toujours mon pancréas. T'as toujours ton pancréas. C'est bon à savoir, ça. Châtiré par les beaux pancréas. C'est pas du tout dans le même coin, en plus. Je pense que ça fait pas du tout la même chose. Tout sera au pancréas. Jusqu'aux années 70 et 80, chaque compétiteur aux Olympiades devait être amateur, voulant dire qu'il ne pouvait pas recevoir un paiement financier. Aujourd'hui, le seul sport aux Olympiades qui n'a pas d'athlètes professionnels sont la boxe et la lutte. Ah, oh, ouais? Les autres sont tous rémunérés, sont des athlètes professionnels. Mais je pensais que même ici au Canada, les boxeurs puis les lutteurs étaient rémunérés. Les seuls sports aux Olympiades qui n'ont pas d'athlètes professionnels sont la boxe et la lutte. Ça dit encore donc aujourd'hui. Ça doit dépendre du pays. Peut-être, mais ça ne précise pas dans l'article, je dois dire. Ouais. Je dois dire. Il y a une section sur la page Wikipédia des Jeux Olympiques qui. ça va être 1 000 $ parfois qu'on va dire, je pense. OK. Il y a une section sur l'amateurisme et le professionnalisme, donc ça vous intéresse d'aller lire ça. Ensuite. On enverra le bill à la station de radio. C'est ça, Bill Clinton. Il y a un char téléguidé qui ramène les javelots aux athlètes. Il y a une vidéo d'ailleurs des Olympiques, des Olympiades de Londres en 2012 qui vous montre le petit robot téléguidé qui ramène ça. En fait, je vais vous dire en forme de quoi que c'est. On a une petite, la petite vidéo encore une fois. C'est une petite voiture. Une petite voiturette avec un petit socle. Oh my god! C'est comme une mini. C'est une Mini Cooper. Mini Cooper, j'ai ça. Ah non, c'est mais cool. C'est vraiment un jeu téléguidé de Mini Cooper. Ouais, j'adore c'est ça. Malade, j'en veux un. Ça, c'était à Londres pour te ramener ton javelot. Oui, c'est ça. Margaret Abbott. She kicks a butt. Comment on dit? Elle kick des culs. Elle était une des femme. Derrière, excuse-moi. Qui compétitionnait et qui a gagné, en fait, un tournoi de golf à Paris. Après sa mort, on a découvert que ce tournoi-là faisait partie des Olympiades de 1900, qui était mal organisé à l'époque, et elle ne savait pas qu'elle était olympienne. Pour vrai? Elle a participé et gagné un concours, un tournoi de golf. OK, dans ce temps-là, peut-être que t'avais pas besoin de t'inscrire ou de faire partie. Ben, c'était mal organisé. C'est ça, clairement. C'est ça. Faut tout le temps, quand il y a un changement d'équipe ou une nouveauté quelque part, l'équipe était pas tout le temps. C'est triste. Elle est décédée puis elle savait pas que c'était une athlète olympienne. Non. Margaret Ives Abbott, la première femme américaine à gagner un événement des Olympiades. Elle a gagné donc un tournoi de golf pour femmes. C'était le premier où les femmes avaient le droit de compétitionner aux Jeux de 1900. Il y avait 11 athlètes femmes qui compétitionnaient au golf, tennis et au yacht. Par contre, ces jeux-là étaient tellement mal organisés, peut-être parce que c'était des femmes, donc c'était moins pris au sérieux. Moins montré dans les médias, les journaux. Donc, Abbott n'a pas réalisé que ça faisait partie des Olympiades. La recherche olympique n'établit pas que le jeu était sur le programme olympique avant que Abbott ait été décédé. Donc, elle-même ne le savait pas. Voilà. Ah, quelle tristesse. Aux Olympiades de 1912, un marathon, un coureur nommé Shizu Kanakuri a abandonné la course et retourné chez lui au Japon sans le dire aux officiers des Jeux. Il était considéré comme une personne introuvable, donc une personne recherchée en Suède pendant 50 ans. En 1966, il a été invité à compétitionner, à compléter son marathon. Son temps donc est de 54 ans, 8 mois, 6 jours, 5 heures, 32 minutes et 20,379 secondes. C'est un record. Félicitations. C'est aussi pire que les aigles. Bravo. Wow. Oh, bravo. Mathieu! Oh, boy! Boom! Eh oh! Eh oh! Après avoir terminé, là... Notre partenariat va tomber à l'eau grâce à toi. Excuse-moi. Ah, on est supposé avoir notre côté éditorial intact malgré les partenariats. Oui, OK, d'accord. Donc, il a dit, c'était un long voyage et sur le chemin, je me suis marié, j'ai eu 6 enfants et 10 petits-enfants. Oh my God. Ne nous retirez pas notre... Quel marathon. Ouais. Henry Ford, tu connais Henry Ford? Qui a essayé de construire un genre de village utopique industriel dans la jungle brésilienne, c'est notre lien avec les Olympiades ici, qui s'appelait Fordlandia, pour sécuriser donc une source de caoutchouc cultivée pour ses voitures. Ah, donc c'était pour ça qu'il a créé son, pas son île, mais sa jungle, pour pouvoir cultiver le caoutchouc. Le caoutchouc, ça se cultivait à l'instant. Ben oui. Aux Olympiades de 2000, l'été, un nageur de la Guinée équatoriale. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit ça? On va aller voir ça. Équatorienne, probablement peut-être? De l'Équateur. Peut-être. On va aller voir ça. Question de ne pas dire n'importe quoi. La Guinée équatoriale. Équatoriale, OK, d'accord. Guinée équatoriale. On peut en lire un petit peu plus là-dessus. C'est donc Guinée équatoriale avec ou sans trait d'union en forme longue la République de Guinée équatoriale ou la République de Guinée équatoriale en espagnol Guinée équatoriale la República de Guinée équatoriale constituée de deux parties l'une continentale bordée par le Cameroun et le Gabon l'autre insulaire avec l'île de Bioko où se trouve la capitale de Malabo et l'île d'Annobon. Je disais donc, un nageur de la Guinée équatoriale Eric Moussambani a nagé le plus long temps olympique de tous les temps au style libre 100 mètres. Il a fini à 1h52,72. Wow! 100 mètres style libre, ça a du sens. Pourquoi ils l'ont envoyé? Je sais pas. Peut-être que c'est le meilleur de son pays. Il connaissait pas les... Il n'y a pas de livre en 2000 qui disait les temps des autres pays. Oui, c'est ça. Ça leur tentait pas de vérifier s'il était pas pire pour y aller. Mais en même temps, on a vu la petite vidéo. Là, je me rappelle pas. Je crois que c'est à Londres, des nageurs vraiment mauvais sur Facebook. Ça a circulé il y a quelques semaines. Je pense que oui. Asiatique, oui. Je me rappelle pas trop d'où. Ça, c'est les plongeons. Ouais, mais en tant que tel, c'est il était pas. C'est les Philippiens. Oui, c'est ça. Mais oui. Il était pas si mauvais que ça quand on les regarde dans d'autres vidéos. C'est que là, aux Olympiques, ils se sont vraiment plantés. Mais tu sais, probablement que nous, on aurait fait pire. Sûrement. Mais tu vas aux Olympiques, t'es censé être la crème de ton pays, non? C'est ça, exactement. Sinon, je cherche quelqu'un d'autre. plusieurs endroits olympiens partout dans le monde sont complètement abandonnés de nos jours. Je pense que tu vas en parler tantôt dans ta chronique. Donc, il y a plusieurs projets qui ont coûté plusieurs milliards de dollars qui ne sont plus utilisés de nos jours. D'autres sont devenus décrépites, couverts de rouille, vandalisés, endommagés par la guerre. Et d'autres même sont devenus des cimetières. Ah ouais? Il y a des photos sur assemblagerequis.com d'un ancien parc olympien qui est devenu vraiment un cimetière ou d'autres des champs. Ils n'ont pas assez de gens pour faire des sports avec des dizaines de milliers de spectateurs non, comme c'est ça. Donc, ça sert pas à grand chose. Maintenant, on se pose des questions un petit peu. Quelle chanson est jouée si un athlète olympien indépendant gagne une médaille? Est-ce que tu sais ça? Pardon? On écoute. Hein? Ouais, j'écoute. Les Olympiens indépendants, tu sais, lors de la cérémonie d'ouverture, on avait tous les pays, on avait aussi les athlètes indépendants. Oui. Et là, eux, il y avait le drapeau des Olympiques, il y avait le drapeau exactement. Avec les anneaux dessus. Il y avait aussi, qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'équipe? Il y avait l'équipe des réfugiés syriens. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre de bizarre qui n'était pas traditionnel? Je me rappelle pas. Il me semble que c'est à peu près ça. Non? Il me semble que c'est tout. Je pense que c'est tout. Bref, depuis quelques années, les athlètes olympiens sont incapables d'être, de représenter leur pays à cause de sanctions internationales ou de transactions politiques. Ils vont compétitionner en tant qu'Olympiens indépendants. Il y en a 9 cette année qui ont compétitionné en escrime, en tir, en nage. Ils viennent tous du Koweït. Donc, le comité olympique les a suspendus à cause d'interférences gouvernementales. Il y a aussi une première aux Olympiades cette année. C'est l'équipe des réfugiés, comme on l'a dit, qui contenait 10 réfugiés de la Syrie du Sud-Soudan. Soudan-Sud? Mm-hmm. La République démocratique du Congo et l'Éthiopie. Historiquement, les athlètes qui ne compétitionnent pas pour un pays spécifique ne vont pas super bien aux Olympiques. Ils gagnent rarement, mais en 92, leur chance était meilleure qu'à l'habitude à cause de leur nombre de participants. Le nombre d'Olympiens indépendants était de 10 ou moins habituellement, mais à cause de la séparation de la République fédérale de Yougoslavie, 58 compétiteurs étaient considérés comme indépendants au jeu de 92 d'été à Barcelone. Mm. 3 d'entre eux ont gagné une médaille en tir, 1 d'argent et 2 de bronze. La délégation de 2012 aurait dû avoir une médaille pour leur enthousiasme par la parade des nations, nous dit metalfast.com. Donc jusqu'à maintenant, l'événement à Barcelone est le seul jeu des Olympiades où un athlète indépendant a été médaillé. Si un athlète indépendant ou un membre de l'équipe de réfugiés avait gagné cette année, il y aurait eu simplement le compte de médailles qui aurait été ajouté à l'équipe olympienne indépendante ou à l'équipe des réfugiés, et non pas un pays spécifique, ça bon, on se comprend. Ouais. L'athlète qui va être donc en dessous, qui aurait été en dessous du drapeau olympique à la place du drapeau de son pays, et la chanson qui aurait été jouée n'aurait pas été l'hymne national d'un pays, mais en fait l'hymne olympique. Ah, OK. Ça fait 24 ans depuis la dernière fois qu'on a vu un pays qui ne représentait pas un pays sur le une personne qui ne représentait pas un pays sur le podium. Mais c'est les Olympiques, n'importe quoi peut arriver, donc on continue quand même de leur souhaiter bonne chance pour les prochains en 2020. Oui, tout à fait. Ah oui. Ou même en 2018, l'hiver. Oui. Il y a pas y a les Paralympiques aussi que ça vient? Oui, c'est quoi? C'est tard quand même, les Paralympiques. C'est en septembre, pas mal avancé. Peut-être. Mais c'est à Rio aussi, pause. Non? Oui, exactement. Et c'est aussi à Radio-Canada, juste dans des mois. Bonne cancer. On se demande des fois pourquoi est-ce qu'il y a des lifeguards, des sauveteurs aux piscines olympiques. Est-ce que tu as remarqué, tu as vu sûrement passer la photo aussi sur Facebook du sauveteur? Oui. Celle qui dit qu'il y a des gens qui ont des jobs plus difficiles que d'autres, dont être sauveteur à la piscine olympique. Est-ce que tu penses que les gens se sont renseignés pour aller voir pourquoi il y a sauveteurs aux Olympiques? Ben, parce qu'ils peuvent se noyer, peuvent avaler de l'eau. Oui, mais étant donné qu'ils sont de calibre international, il y en a qui se disaient qu'il n'y avait peut-être pas besoin d'avoir ça. Bref, pourquoi est-ce que Rio a des sauveteurs pour surveiller les nageurs les plus aptes à nager au monde? Ouais. Selon Ricardo Prado, celui qui gère les sports olympiques pour l'aquatique. Donc, les Jeux simplement suivent les lois de leur pays hôte. C'est la loi brésilienne que n'importe quelle piscine publique au-dessus d'une certaine grandeur doit avoir des gardiens, des, euh, des sauveteurs. Donc, il devait en avoir. Rio force toutes les piscines qui mesurent plus de 6 par 6 mètres, donc environ 20 par 20 pieds, d'être surveillées par un professionnel. La ville a signé 75 sauveteurs à tous les événements de nage, nage, water polo et le plongeon. Pour 20 jours de travail relativement sans stress, les gardiens sont payés environ 340 $ en tout. C'est pas beaucoup. Ah oh non, en tout, moi, c'est vraiment pas beaucoup. C'est quoi, c'est 20 jours, là? Ouais, c'est ça, c'est vraiment pas beaucoup. Bref, c'est très peu probable que quelqu'un se noie, mais on en a déjà eu besoin. Les nageurs synchronisés, des fois, se foncent dedans et souffrent de commotion cérébrale. En 2 minutes, un participant au jeu de Pékin, s'est un petit peu évanoui après avoir complété sa routine et a dû être transporté. C'est tout à fait normal. Ouais. Tu sais, quand tu y penses, là, mettons les nageurs synchronisés, justement, là, ils doivent passer au total plus de temps en dessous de l'eau qu'au-dessus de l'eau. Tout à fait. Ratatiner to the extreme. Oui, tout à fait. Quand ils sortent de la piscine, des fois, là, ils ont peut-être la tête qui tourne. Oui, absolument. C'est bon. C'est jamais. Ensuite de ça, on va y aller avec ça. Tiens, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que les piscines sont tombées vertes? Ah! On se pose beaucoup de questions. Ben, c'était pas un problème électrique de la piscine. Apparemment, un problème d'algues. Ah, c'est ce que j'en comprends. Okay. Donc, le New Scientist nous explique qu'il y a eu une tempête parfaite de facteurs qui ont mené au changement de couleur dramatique. Mais en fait, c'est plus compliqué qu'on le pense. Entre autres, de l'algue. On dit ici que tous ceux qui ont déjà eu une piscine, le chlore empêche des algues, entre autres, de se former. Dans le cas de la piscine olympique, le chlore n'a pas réussi son travail et le soleil est aussi à blâmer. C'est apparemment les premières Olympiades dans l'histoire récente où les événements de nage avaient lieu à l'extérieur. Donc, sous la chaleur directe du soleil, les désinfectants à base de chlore peuvent se défaire et s'évaporer, menant donc à ce que l'eau soit vulnérable aux organismes extérieurs. Ce phénomène n'explique pas tout seul donc le problème d'algues. Comme les spectateurs l'ont vu, la piscine avait donc un contraste très clair, une eau très presque prête à boire à l'autre piscine qui était à quelques mètres de là. Donc la différence de température est un petit peu à blâmer. La piscine pour le plongeon était plus tiède, un petit peu plus chaude, donc ce qui créait une atmosphère plus invitante pour les organismes, alors que la piscine pour le plongeon était plus calme que la piscine pour nager. Donc l'eau qui bougeait pas tant que ça, et qui était seulement ciblée par les plongeurs qui tombaient, voulait dire que le chlore pouvait circuler plus dans la piscine, beaucoup plus lentement. Peu de temps après l'incident, le porte-parole Mario Andrada a dit à l'Associated Press que la piscine serait de retour à sa couleur le lendemain, comme ça on l'a vu à la télé, c'était le cas, c'est revenu à la normale. Combien coûtent les uniformes des gymnastes aux Olympiades? Ah, ça dépend de quel pays tu viens, je pense. Probablement. Mais ça peut devenir très, très cher, un fameux léotard de même. Ben justement, les léotards de compétition portés par les gymnastes de l'équipe américaine aux Olympiades de 2016 sont les plus chers que l'équipe a jamais eu, selon Time Magazine. Chacun vaut jusqu'à 1 200 $ grâce aux cristaux, aux 5000 cristaux Swarovski sur le dessus et sur les bras. D'autres facteurs contribuent au prix aussi. Les léotards sont fabriqués par la compagnie Under Armour et l'équipementier de gymnastique GK Elite. Ça prend 2 ans pour faire le design de ça. Chacun est fait sur mesure pour l'athlète en utilisant un processus qui demande 3 sessions de mesure, des fittings, ce qu'on appelle. Ouais. Étant donné que les corps des gymnastes sont uniques et qu'il faut que le tissu soit vraiment exactement droit au bon endroit, ça pourrait leur coûter la compétition si c'était pas, s'il y avait des retailles de trop, que c'était trop ample au bras, je sais pas trop quoi. Donc, il n'y a pas de coupure standard pour le design, il n'y a pas de pattern à suivre. Mais vraiment, c'est surtout une question des bijoux. Le prix, clairement. Mais il y a une raison pour tout ce flash-là. Les cristaux qui attrapent la lumière aident les petites filles à se démarquer dans le grand stade. La gymnastique féminine est un des sports des Olympiades les plus regardés. Et cette année, évidemment, la performance de Simone Biles a été très, très remarquée. Chaque gymnaste de l'équipe américaine reçoit 8 léotards de compétition et 12 léotards d'entraînement. Le coût de 1 200 $ est ce que les léotards coûteraient sur le marché. Ils n'ont pas à payer ça exactement eux-mêmes. On dit que les gymnastes ne paient pas pour leurs propres uniformes. C'est USA Gymnastics qui gouverne tout ça, qui couvre les coûts. On peut aussi s'acheter une réplique de la part de GK Elite et donc la vraie compagnie qui fabrique les léotards pour entre 60 et 80 $. Beaucoup moins cher, mais beaucoup moins brillant. Beaucoup moins de... pas du tout, en fait, de Swarovski dessus. C'est pas les seuls uniformes olympiques qui coûtent cher. Les maudits ensembles de Ralph Lauren pour les athlètes américains aux cérémonies d'ouverture, c'était pas très... je trouvais pas ça très, très beau. Bref, coûte plus de 1 500 $ si on achète la version sur Internet. Le manteau de Michael Phelps qui s'illuminait porté à la cérémonie d'ouverture n'est pas disponible pour achat. On sait pas encore non plus combien ça vaut. Mais wow, 1 200 $. J'imagine qu'il va garder. probablement comme petit souvenir, lui qui a pas du tout gaffé en fait, Michael Phelps s'en est sorti indemne, contrairement à son collègue Ryan Lochte. On va en parler dans J'imagine. Ensuite, la piscine olympique de Rio, tiens, est-ce que ça aide les nageurs à aller plus vite? C'est ce qu'on se demande. C'est une bonne question. Bonne question, hein? Les athlètes sont super bons, évidemment, mais le crédit peut être partagé par la piscine elle-même. Je sais pas si ça se mériterait une main d'applaudissement. Ou une médaille de céramique, quelque chose comme ça. Selon Sports Illustrated, donc les experts et les athlètes sont d'accord que les piscines de Rio sont des piscines rapides. Donc, c'est une référence au fait que ça a été créé pour avantager les nageurs. Une fast pool, comme on l'appelle, typiquement, a au moins 3 mètres de profondeur. C'est donc le coach de l'équipe de nage des femmes de l'Université de la Californie, Terry McKeever, qui dit ça à Sports Illustrated. Plus la piscine est profonde, mieux c'est, parce que le splash ou la turbulence et tout le reste prennent plus de temps avant de se rendre au fond de la piscine. Et elle ne ricochette, je vais utiliser ce mot-là, et elle ne ricochette pas vers les nageurs, vers le haut. Pendant les Olympiades de 2012 à Londres, NBC a eu un petit segment vidéo pour nous expliquer ça au London Aquatics Center. Ça faisait partie de leur segment Science of the Summer Olympics Engineering in Sports Series que vous pouvez aller voir sur assemblagerequis.com. Il disait donc que c'était une des piscines les plus technologiquement avancées au monde. Ouais. 4 ans avant ça, l'annonceur et la légende de la nage, Rory Gaines, disait que la piscine de Beijing était la piscine la plus rapide au monde. La piscine de Rio devrait produire autant de records. Probablement, j'imagine, produit autant de records, j'ai beaucoup d'idées. Malgré ça, la profondeur n'est pas la seule chose qui importe. On réduit aussi les buffer lanes, les lignes de voie et les gutters, comme les genres de... comment t'appelles ça? Pas les gouttières, là, mais les... Les côtés de la piscine. Les côtés de la piscine, voilà. Ce qui aide à calmer les vagues et réduire la turbulence de l'eau. Ça donne donc une meilleure, un meilleur environnement pour nager. Voilà. Aussi, il y a des changements au maillot de bain et à l'atmosphère de l'endroit qui jouent un rôle. Et les athlètes eux-mêmes doivent toujours être parmi les meilleurs pour battre la compétition. Donc, tu veux une bonne piscine, mais tu veux aussi beaucoup de talent. Alors, ça veut-tu dire que si tu mettais ces athlètes-là dans une piscine normale... dans une barboteuse. peut-être pas dans une barboteuse, mais... La piscine du CAPS, oui. Parce que c'est pas une piscine olympique. T'as raison. Elle est pas faite sous les normes d'une piscine olympique. Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait plus de difficultés à nager à cause des bordures? Probablement. Bonne question. On va éviter Michael Phelps. On va essayer Michael. Ouais, on va l'appeler. Ryan Lochte en fait déjà venu. Je pense qu'il était là en fin de semaine. Il s'est fait violer, je pense. Ouais, c'est ça. Ça a l'air, il s'est fait agresser. Fait qu'on va les appeler, puis on va leur demander de venir faire un test pour nous. T'as des contacts avec TSM? C'est qu'on attend ça. Eh boy, hein? Si seulement. Appelle ton monde qui appelle le monde de Michael Phelps. On pourrait peut-être s'informer, par exemple, à la nageuse qu'il y avait ici à l'UQTR. Oui, Caroline Lapierre. Exactement, elle le sait. La forge, la ruche, la... Bref. Elle est partout dans le CAPS. C'est ça, puis elle a tous les noms de famille. Pourquoi est-ce que les Olympiens mordent leur médaille, Tonton? Pour voir si c'est une vraie. Peut-être. Non. Vous avez sûrement remarqué lors des cérémonies de médailles. Je suis sûr qu'il y en a qui ne savent pas pourquoi ils font. Hein. C'est une tradition. C'est une comme, tradition, c'est comme exactement. Pourquoi est-ce qu'on pointe quelqu'un ou qu'on fait un piece ou qu'on fait un shocker? Tu sais, c'est fait depuis le début des Olympiques. Alors pourquoi ils ne le feraient pas? C'est fait parce que tout le monde les fait. C'est ça. Bref. Bande de followers. Oui, c'est ça, bande de moutons. C'est en fait parce qu'ils suivent les ordres, spécifiquement les ordres du photographe. Et voilà. Lorsque les gagnants des Olympiades posent pour une image, pour une photo de leur victoire, il y a une mère de photojournalistes qui prennent des photos, évidemment, demandant aux athlètes de faire quelque chose d'autre, à part de juste rester planté là avec un sourire. C'est un peu plate. Donc, comme ils n'ont pas d'autres accessoires, les gagnants ont pris l'habitude de mâchouiller leur médaille pour satisfaire la soif d'originalité du photographe. Quoique ça devient pas mal moins original quand tout le monde le fait. Ouais, c'est ça. Si tu te demandes peut-être, nous demande mentalclass.com, en te posant la question à toi, c'est marqué « Demande à Tania Baudin » si quelqu'un s'est déjà cassé une dent en faisant ça. Je crois que oui! Oui! En 2010, un gars qui faisait de la luge, un Allemand, David Moer, s'est cassé le C'était si bien dit, Mathieu. C'est allemand. J'aime ton allemand. Qui s'est cassé le coin de la dent en mâchant sa médaille d'argent, en plus, même pas d'or. Mais une chance que sa mère est dentiste. Bien sûr, mordre l'or était une façon de savoir si c'était de la vraie or. Voilà. Parce que la vraie or montrait des marques de dents. Mais les Olympiens ne savent probablement pas ça. Comme on l'a dit tantôt, la médaille n'est même pas faite en or. C'est genre 1%, fait que ça ne change rien. C'est fait majoritairement d'argent et de cuivre, mais la médaille d'or. Mais penses-tu par contre que les premières médailles d'or étaient vraiment faites d'or? Oh, probablement, j'imagine, j'espère. C'est pour ça qu'ils ont arrêté de les faire maintenant. Ils font pas juste genre de la grosseur d'une scène. Ça se vend chez Dollarama. Tu sais, des boucles d'oreilles, ils devraient donner des bagues. Ils donnent des bagues. Comme au Super Bowl. Comme au Super Bowl. problème réglé. Mathieu, hein. T'es si une bible du sport. Fait qu'on annule la date qu'on a pour avoir vu le mot olympique. Oui. Parce qu'on vous a donné l'idée de faire des bagues. Oui, c'est ça. Okay. Bague à part. bref, c'est tout pour celle-là. Ensuite, un petit peu de sérieux, là. Pourquoi est-ce qu'on a arrêté d'utiliser de vrais pistolets pour commencer les courses olympiques? Que ce soit au 100 mètres ou peu importe, ou Usain Bolt ou l'autre, c'est quoi son nom, de grâce. Hey, en passant, pendant qu'on parle de grâce, ouais? Tu blâmais, je me rappelle plus trop qui, d'avoir dit de grâce. Tu disais, c'est-tu toi ou Céline Tan? Je pense pas que ce soit moi. Hein? Parce que quelqu'un... Parce que c'est... C'est bien DeGrasse. Oui, c'est ça. Parce qu'il est vraiment anglophone. Oui, c'est Andrew DeGrasse. Quelqu'un avait blâmé les animateurs d'avoir dit DeGrasse ou DeGrasse parce qu'il était français, je sais pas trop quoi, ou il était canadien ou... Bref. Oui, mais là, ça doit être un des animateurs à Radio-Canada qui a dit ça comme ça, puis là, tout le monde était fâché parce qu'il l'a pas dit en bon français. Probablement, en effet. Oui, Québec bashing. Oui, et voilà. Donc, c'est fait, c'est dit. C'est fait. On pense pareil là-dessus, mais je vais faut faire pas le dire. Mes excuses publiques plus tard. Faut pas le dire quand tu penses comme non, ça, Tania. Voilà. Hein? Bref, les fusils, les pistolets. Oui. Hein? Ben, c'est parce qu'il y a des gens qui ont été blessés. Ben, tiens, c'est une question de sécurité, exactement. Donc, les fusils, les pistolets tiraient des balles à blanc. Des blanks, ce qu'on appelle. Mm-hmm. Et ils souvent étaient arrangés, trafiqués pour envoyer un jet de fumée pour que tout le monde puisse voir, pour qu'il n'y ait pas juste le son, pour qu'on voit aussi la fumée. Certains pistolets étaient même scellés. Comment fermer et sceller pour qu'ils fassent juste un gros bang? Dans une entrevue avec la BBC Radio The Now Show, Alan Bell, le démarreur olympique. Bip, bip. Oui, celui qui paye sur le piton, finalement. C'est ça. Bref, celui qui annonce le début des courses aux Olympiades, qui faisait en fait aux Olympiques d'été de 2012 à Londres, a dit que même s'il avait... Attends un peu. Qu'il avait même utilisé un pistolet avec des balles remplies de papier de toilette. Ah! En fait, les pistolets utilisés pour démarrer les courses se sont fait un petit peu parler négativement depuis les dernières années. Ça doit. Donc, il y a... Attends un peu. Un modèle très célèbre de ce fusil-là, le Brunei Olympic .380 BBM. Oui, ben oui, voyons. Ben oui, il est classé au BBM dans les codes d'écoute. Tu connais pas ça? .380. Ben oui, c'est ça. Il a été banni en 2010 parce qu'il pouvait être converti en vrai fusil. Ah, oups! D'autres pistolets tirent des balles à blanc et doivent être colorés très, très, genre, je pense, c'est quoi, c'est orange? Ah, mais c'est le fameux... Le gun! C'est ça, c'est le gun qu'on imagine dans les débuts de course, puis tout ça, là. C'est ce modèle-là. Celui que tu veux, tu sais, il me semble, dans une course. Ouais, c'est ça, celui qui fait boum! Boum, badaboum, bading! en voyageant avec des fusils et évidemment les balles qui vont avec, ça peut être difficile dans les aéroports. Bell lui-même a dit qu'il a été banni d'amener un pistolet de début de course à une école locale. Il a été obligé d'utiliser un gros klaxon, tu sais, genre le gros klaxon qui fait un genre de gros bruit bizarre. Mm-hmm. Bref. Bref, est arrivé le système électronique Omega, c'est l'appareil de plastique qui ne tire pas du tout, mais la gâchette... Non, pas la gâchette. Ouais, c'est ça, la gâchette fait sortir un son dans les haut-parleurs derrière les coureurs. C'est connecté aussi à un timer officiel, donc à la place d'avoir quelqu'un qui doit peser en même temps que la personne appuie sa gâchette, puis les deux doivent être timés, sinon c'est pas juste, la gâchette fait les deux en même temps, donc t'es sûr d'être exactement à temps. T'as vu aussi même aux courses de BMX ou n'importe quoi, aussitôt que le vélo arrive à la portière, t'as pas personne qui a l'air d'être là pour appuyer sur un bouton. Non, c'est vrai, tu l'entends en fait. Suite déterminée. Bref, voilà, pas besoin de juge par rapport au fusil. Ça dit par contre que le plus grand problème avec les fusils électroniques, a résolu, ce que ça a résolu le plus important, c'est la justesse, si on veut, de tout, et à cause des problèmes créés par la vitesse du son. Les coureurs qui sont dans la voie la plus loin du pistolet avaient des temps de réaction plus lents que ceux plus proches. Même mettre des haut-parleurs n'aurait pas aidé parce que les coureurs attendaient toujours le son du pistolet. Dans une entrevue avec The Atlantic, un membre du conseil d'administration de Omega Timing, Peter Urzeler, a dit que le coureur américain Michael Johnson, son temps de réaction était aussi élevé que 440 millièmes de seconde dans la 9e voie versus les 130 à 140 millièmes de seconde dans la voie la plus proche, étant donné le délai pour entendre le son. Incroyable, hein? New Scientist a aussi fait des recherches. Avant les Jeux de 2008, le son du fusil, le niveau d'intensité du son et l'endroit où était tiré le fusil pouvait affecter la course aussi. J'en suis persuadée, ça me ça te surprend pas. Trouble? Non, ok, toi, ça te surprend pas. Ouais, ça me surprend pas. D'habitude, je comprends. Ça doit dépendre aussi de la façon de toi t'entends. Oui, aussi tes oreilles. Tout à fait. Oui. Tu sais, si c'est tout le temps celui sur le bord, à côté du pistolet, oui, persécution. À mener dans un but. Ben là, fais mieux aux qualifications. Hein. Ah, oui, exactement. Pratique, qualif, semi-finale, finale. À la fin des 20 jours, là, t'es sûr. C'est ça. Là, je vois qu'on commence à avoir pris pas mal de temps. Il y a des questions un petit peu moins intéressantes. Je vais en sauter quelques-unes. Il y en a que je veux vraiment, vraiment faire. Deux petites secondes. Attends un petit peu, t'as un petit peu, t'as un petit peu. Trois secondes, je vais l'avoir. Là. Mm-hmm. OK, je vais en faire... Est-ce que j'en fais deux derniers? J'en fais... Trois derniers. Okay. OK, vas-y. Donc, combien est-ce que les Olympiens sont taxés sur leurs médailles? Savais-tu que les Olympiens étaient taxés? Ils oui, payaient des impôts? Parce que c'est comme une paye. Ça vaut cher. On l'a dit tantôt, c'était quoi? 600 $ $600 environ. Quand même. Donc, un athlète peut s'entraîner toute sa vie pour l'opportunité de compétitionner aux Olympiades, mais la victoire n'est jamais assurée. La seule garantie, c'est que si tu gagnes, le gouvernement va vouloir participer à ça en prenant ton argent. Aux yeux de l'IRS, l'Internal Revenue Service, c'est ceux qui s'occupent des finances. Les gagnants de médailles ne sont pas différents des gagnants de loterie ou de quelqu'un okay. qui gagnerait un jackpot à Las Vegas. Le prix est considéré comme du salaire, comme tu l'as dit. Exactement. Et donc, ça se fait taxer. C'est pas vraiment la médaille, en tout cas, en fin de compte, qui doit être rapportée à l'IRS. En fait, c'est l'argent qui a été donné par le Comité olympique des États-Unis. OK. En reconnaissance de leur représentation des États-Unis, donc ils représentent les États-Unis avec une victoire, l'USOC donne aux médaillés d'or 25 000 $ 15 000 $ pour l'argent et 10 000 $ pour le bronze en plus de la médaille. Je ne savais pas ça. Oui, d'après, parce que c'est comme une bourse. Oh oui, je sais pas. Selon CNBC, la chaîne financière, c'est le montant en fait qui va être regardé par Oncle Sam. Le taux va dépendre de la somme du total. Attends, du total de salaire annuel total de l'athlète. OK, je pensais que ça dépendait du nombre de médailles que tu gagnais. Depending on the sum total of the athlete's total income. Donc, son income, c'est ce qu'il fait comme argent dans sa vie personnelle. Total income. Ouais, mais est-ce que c'est le income des Jeux olympiques ou c'est le income de sa carrière par année? C'est pas spécifié. Attends un peu, on va lire le reste de l'article, je suis sûr que ça explique. Donc, pour quelqu'un qui réussit à s'en sortir sans aucun commanditaire oui. et qui a un salaire dans les 6 ou 7 chiffres, ça commence à être vraiment beaucoup, ouais. Le taux d'impôt pourrait être de 39,6%, aussi élevé que ça. Pour la plupart des athlètes, par contre, ils vont tomber plus vers le 15%. Pour une médaille d'or, les impôts pourraient aller entre 3750 et 9900. Si t'es Michael Phelps, après moi, ça tourne autour de 9900. Probablement, en fait, parce qu'il y a eu beaucoup de médailles. Exactement. Voilà, voilà. Donc, un bon comptable pourrait trouver des façons de déduire des dépenses d'entraînement, par exemple, pour réduire son salaire, son argent entrant. Le sénateur Marco Rubio, le petit Marco, comme Donald Trump l'appelle, a essayé de passer un projet de loi en 2012 qui allait exempter les Olympiens de l'IRS, mais ça n'a pas fonctionné. Un autre projet de loi passé au Sénat au mois de juillet va circuler, en fait, au mois d'août, c'est peut-être déjà fait, à la Chambre des représentants. Si ça passe, ce serait rétroactif, donc les gagnants de cette année seraient capables de garder leur argent si ça passait. Voilà. Intéressant, vraiment intéressant. Ouais, ouais, je me demande si c'est comme ça pour pas mal n'importe quel type d'athlète. Mettons, là, un pilote en Formule 1, c'est-tu ouais. la même chose? Peut-être. Et les autres pays aussi, est-ce que le Canada, c'est la même chose? On sait pas. Ah. On n'est pas là pour faire les recherches, on n'est pas payé pour ça. Non. On n'est pas payé pour tout. Le quatrième type de médaille. Est-ce que tu savais qu'il y a un quatrième type de médaille olympique, Tantan? Non, je savais pas. Après, ben, en fait, il y avait quatre types de médailles avant. C'est pas celui qui a eu la meilleure amélioration ou quelque chose de même? C'est similaire à ça. Il y a 5 personnes qui l'ont gagné à travers l'histoire. Donc, or, argent et bronze, ceux qui ont toute la gloire. Mais il y a une autre médaille olympique qui est plus difficile à avoir, c'est la médaille de Pierre de Coubertin, nommée okay. en hommage du fondateur des Olympiades modernes. Mm-hmm. C'est donné aux athlètes et aux gens dans l'industrie du sport qui sont un bon exemple de sportsmanship. Donc, voilà. le comportement sportif, ouais. si on veut. Et qui ont fait une contribution notable aux Jeux, aux Olympiades. Contrairement aux médailles de sport, la médaille de Coubertin n'est pas donnée à chaque cycle des Jeux, en fait. Okay. C'est pas à chaque 4 ans, c'est pas à chaque 2 ans. En fait, c'est seulement donné lorsque le Comité international olympique croit que quelqu'un l'a vraiment mérité. Donc, il y a quelques gens qui en ont mérité. Il fallait voir la liste. Lawrence Lemieux en 1988, Eugenio Monti en 1964, Vanderlei Cordero de Lima en 2004, Luz Long en 1936 et Charles Ladany en 2007. Il n'y a pas une athlète cette année même, je pense que c'est une des Américaines, qui est allée aider une des filles qui ne voulait pas terminer. Ah, oh, ça se... Oui, oui, oui, je me rappelle. Est-ce qu'elle a eu une médaille pour ça? D'après moi, elle va en avoir une, parce que la dernière a été donnée en 2007. Mm-hmm. Puis si on se fie à celle qui avait été donnée en 2004, elle a été donnée à un des gars qui avait justement aidé un marathonien à terminer sa course. Oui, absolument. On le voit sur la photo, d'ailleurs. Le gars n'a pas l'air en forme. Non, vraiment pas. Vraiment. Fait que de ce côté-là, j'ai comme l'impression que peut-être, elle pourrait l'avoir. Peut-être, et peut-être que ça va se faire après les Jeux. À moins que ça ait déjà été fait, mais je pense qu'on aura entendu parler. Donc, probablement qu'ils vont le faire là ou bientôt, non? Ben, ça doit être ouais. public pas mal, ça doit être un gros événement, médaille, Pierre de Coubertin. Peut-être. J'ai ça, mon talent de Pierre de Coubertin 2016, juste pour le fun, sur Google. OK? Médaille Pierre de Coubertin, Jeux olympiques d'été de 2016. Récipiendaire. Ou 2016, Nicky Hamblin, Jeux olympiques d'été 2016, Nouvelle-Zélande, Rio de Janeiro. Bravo! Nicky Hamblin! Félicitations! C'est ça, c'est celle qui a aidé l'autre? Je crois que oui, attends un peu. On va aller voir ça. Oh, ça parle d'écrit. C'est pas écrit. C'est pas écrit, mais je pense que c'est elle. Attends. C'est quoi le nom? Nicky Hamblin. Il va falloir faire des références croisées sur Google. C'est ridicule. Médaille Pierre de Coubertin. Ça va prendre tout le temps de la chronique. C'est incroyable. Il y a un jour. Ah, ça vient d'être fait. C'est pour ça qu'on ne savait pas. Ça vient juste d'arriver. C'était hier. Exactement. Le 22 août pour nous. Coureur de distance, 18e et 19e personne à gagner le prix qui est plus difficile à avoir qu'une médaille d'or. As-tu quelque chose en français qui est plus détaillé que ça? Non. Non. Absolument rien. Donc, une paire de coureuses de distance donc a reçu la médaille olympique plus difficile à avoir que l'or. Blablabla. Attends un peu. C'est exactement ça, c'est la fille blessée, je le vois. Les deux qui se sont aidés l'une l'autre après avoir tombé pendant 5000 mètres. Ils se sont foncés dans la course, mais ont aidé l'autre à se relever. Donc voilà, problème réglé. Ouf! Recherche live, c'est ce que ça donne. C'est ça, des émissions live. C'est ça, des émissions qui n'ont pas le recherchiste. Exact. Ou de producteur, ou de réalisateur, ou de gars au son, ou de gars à console, tu sais, etc. C'est juste nous deux, pas mal. Juste nous deux, voilà. Équipe du tonnerre. C'est ça, équipe du tonnerre. High five! Bon, la dernière, je l'ai fait parce que j'avais dit que j'en avais trois pour terminer. Oui. Donc, pourquoi est-ce que les nageurs olympiques portent deux petits chapeaux, deux petits bonnets? Ah, ça doit être simplement pour le chlore, pour pas que ça abîme les cheveux. Ah, j'aime tes théories. Dans un sport où chaque milliseconde compte, on veut pas avoir le fardeau d'avoir deux affaires sur la tête, hein? Ça doit aider l'aérodynamisme ou quelque chose de même. Peut-être. C'est pour ça que les nageurs donc hop pour des speedo et non pas des pantalons, mettons, pour faire leur nage. Et aussi, c'est pour ça qu'on rase les poils pour réduire l'effet de drague. Mais le minimalisme a une exception. Plusieurs athlètes portent deux petits bonnets. Selon Quartz, c'est parce que chaque bonnet a un besoin différent. Oh. Le bonnet à l'intérieur, comment est-ce qu'on appelle ça? Un casque de bain. Fait en latex qui va vraiment faire le contour de la tête très, très serré. Mais ça peut faire... Ça peut pas ratatiner, là, mais comment t'appelles ça? Froisser lorsqu'exposé à l'eau. Okay. Ce qui crée de la résistance. Ris pas de moi-même. Caroline, Tania. Excuse. Pour compenser, les athlètes vont ajouter un maillot de bain de silicone. Imagine-tu, gars, excuse-moi, ta tête ratatine. Il devrait faire. Ça devrait être en fausse peau. Il devrait, genre, prendre la peau de gens morts pour faire leur chapeau. Arc, mais c'est dégoûtant ce que tu viens de faire. Arrête ça. Donc, pour compenser, les athlètes vont ajouter un petit chapeau de silicone comme couche de protection. Lorsque combiné, les deux bonnets vont vraiment sécuriser la tête. Donc, pourquoi pas juste porter le silicone tout seul? Parce que le silicone, ça glisse. Ça glisserait probablement. Tu utilises un lubrifiant au silicone ou des condoms en silicone. Vous savez que ça glisse pas mal. Des condoms en silicone, je ça existe pas. C'est n'importe quoi. donc, vous savez que ça glisse sur la tête lorsque c'est directement sur de la peau. D'accord? Okay. Et les nageurs sont très, très méticuleux par rapport au rasage de leur corps. C'est pour ça qu'ils ont la tête complètement lisse, comme une petite peau de bébé. Leur dôme va s'agglisser. Mais tu vois, ça, c'était ma deuxième théorie, que le premier avait probablement plus de chances de s'enlever pendant la course. Fait qu'ils en mettent un deuxième pour assurer que ça reste là. Mais en fait, finalement, c'est comme le contraire. C'est que le deuxième aurait glissé, mais ils le mettent sur le caoutchouc du premier. Et le premier, lui, serre la tête et lâcherait pas. Donc, dans le fond, le premier est en... comment qu'il appelle ça? En latex. Le premier est en latex. Donc, ça tient bien à la tête. Ça tient au bout. Et après ça, tu mets par-dessus celui en silicone qui aurait glissé s'il avait été juste à peau. Mais lui, tient bien au caoutchouc. Et voilà. Donc, c'est un peu le contraire. Le chinois, le médaillé d'or chinois a essayé de célébrer quand il a gagné à Rio en lançant son bonnet dans la foule. Ça s'est pas passé comme prévu. Vous pouvez voir l'action embarrassante que j'ai même pas regardé. Ça ne décrit pas l'article, donc on va le regarder ensemble. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de son là-dessus. Il lance ça dans la foule Et ça a collé à sa main. Ça a pas fonctionné. Oups! C'est retourné dans la piscine. Ok. L'autre est resté dans sa main. Ah, oh, pauvre gars. C'est triste. C'est triste. Ah, lui, il a du son. Ça a comme poigné dans le vent. Oui. Comme quand... C'est par le vent. Tu sais, non, t'as pas de voiture, tu sais pas ce que c'est. Merci de le rappeler. Ouais. Non, mais tu sais, des fois, il y a des gens qui vont ouvrir leur fenêtre puis vont vouloir cracher. Ouais, ça t'envoie dans la face. Ça leur revient en face. C'est un peu ce qui est arrivé avec son bonnet. Le très bon moment. C'est tout pour cette fin. Les liens sont sur assemblagerequis.com. C'était un blog spécial olympique. J'espère que vous l'avez apprécié un petit peu et appris au moins une chose. Je sais que Radio-Canada avait comme 18 heures par jour à remplir, fait qu'ils ont sûrement dit une bonne partie de ce que je vous ai dit là. Je tiens à dire que les gens qui nous envoie des messages comme quoi que peut-être que nos publicités sont redondantes pendant un match de baseball, ben sachez que si vous passez la journée complète à écouter les Olympiques, c'est tout le temps les mêmes. C'est vrai, absolument. Puis en fait, on va jamais en pause aux Olympiques. Hein? Est-ce que t'as remarqué qu'on va jamais en pause? Ils font ils finissent leur phrase, puis il y a une pause. C'est puis ils reviennent, ils sont déjà dans une phrase. Ben, je sais. Sont au début d'une phrase, mais... Mais c'est parce qu'il y a de la, diffusion sur Internet à Radio-Canada. Et à la place des pubs, c'est quoi? Il n'y a pas de pub, en fait, sur Internet. Si tu veux, ça exemple... Ça continue l'action. C'est ça. Tu sais, exemple, les analystes qui sont là, comme Annie Pelletier, puis... Oui, ils sont diffusés directement sur Internet, puis tu choisis selon ton sport. Alors, si tu commences à l'écouter le matin avec l'épreuve qui va commencer, ben tu vas voir le début du reportage. Mais si tu l'écoutes à la télévision avec le gars, l'animateur, qui lui ça va dire rien, on va aller rejoindre Annie Pelletier et René à la piscine, et bien eux, ils vont tout simplement continuer leur phrase parce qu'ils sont déjà en onde, en théorie. Ça, donc, c'est encore plus impressionnant par rapport aux metteurs en onde de ces jeux-là parce qu'ils réussissent tout le temps à arriver dans un moment approprié. Exactement, au les début réalisateurs. Il n'arrive pas n'importe comment, badaboum, badabing, pendant une phrase, là, comme certaines émissions. Tout à fait, puis les analystes, en fait, eux aussi, ils l'entendent. OK, là, vous allez être à la télé et en ondes. Oui, wow. Sur le web. Donc, de ce côté-là, c'est pour ça que ça fait tout le temps ça. C'est un complément d'information, ce Tania, j'apprécie. Ça fait plaisir. Quelle équipe! Je sais parce que je l'ai écouté en ligne et sur Radio-Can en même temps. Hey, t'es multitasking, hein? C'est le même sport, les deux. Le pire, c'est que oui. Mais pourquoi j'ai découvert le BMX aux Olympiques? Aussi. J'ai vraiment aimé ça. Puis tout le monde se plantait. Canadien. Tout le monde se plantait. C'était comme le c'est fun. Vrai. Ouais. Mais un seul représentant canadien, je suis restée surprise. Ouais. Mais il a très bien fait jusqu'à la finale. Top. On en reparlera tantôt. OK. Ben justement, on n'a pas fini de parler d'Olympique. On va y revenir tantôt. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire au retour de la pause, mais on prend... de toute façon, on ne dit pas qu'il y a une pause. Mais non, on ne le dit pas. On fait comme Radio. C'est ça. Pendant les Jeux Olympiques. À son âge de qui? Mathieu Plon. Hey! Qui était où? Il va animer le reste de l'émission. Avec sa barbe. À son âge de qui? Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage de qui? Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage de qui? Bon, on est toujours en direct de Rio pour les Jeux Olympiades d'Assemblage Requis. Oui, Olympiades. Les Jeux Olympiades. Pour la semaine du 22 août 2016, c'est Tania Baudin. Avec Mathieu Plon. Dans quelques instants, on va acheter des choses avec l'or et la valeur du pawn shop. Ah ouais, on va faire ça. Ouais, ouais, ouais. On a quoi, 600$ après avoir gagné l'or au Grand Prix? Ben oui, tout à fait. La médaille d'or des animateurs, les plus tôt levés. Oui, les moins présents, 2 jours sur 5. Bref, dans quelques instants, c'était ça pas toute notre faute, là. Pas toute. Ah, merci. Mais avant ça, tiens, tantôt, on a fait jouer la piscine. Je voulais la mettre après le bloc des Olympiques, ça a réfuté. Oui. Mais c'est vrai. J'en ai trouvé une autre parce qu'on a parlé de condom. En silicone, oui. Ouais, donc voici Laura Sauvage et Rubber Skin. Assemblage requis. Go for gold! Down. Laura Sauvage et la pièce Rubber Skin. Mets ça dans ta pipe. Toujours Assemblage Requis, maintenant c'est le moment, tiens, de s'acheter une variété de produits, mais pas les produits du tabac, parce qu'on n'est pas du genre à encourager le tabagisme ici à Assemblage Requis, donc pas de pipe. Donc pas besoin de condom. Voici, ça existe, c'est mais ça terrible, ne donne. Oui, je sais, je fais exprès, mais okay. Je trouve des liens, tu sais, puis c'est de même. Là, mon cerveau marche de même. Là, nos auditeurs vont penser que t'es obsédé sexuel, genre. Ben oui! Voici, ça existe, ça ne devrait pas, là. Parce que j'ai l'air de parler juste de sexe, mais tu as là autant quand j'arrêtais pas de faire semblant que c'était toi qui étais obsédé par le sexe les dernières semaines, tu sais. C'est vrai. Je vois pas de quoi tu parles. J'aimerais qu'on arrête de parler de ça immédiatement. Okay. Parlant de ça, qu'est-ce que tu regardais tantôt dehors? Tu me faisais des signes. Qu'est-ce qu'il y avait là? C'est parce qu'il y a des gens qui travaillent présentement dans le bâtiment. Ils sont musclés hot? Non, c'est pas ça. C'est juste qu'il y a une vanne de parquet devant les fenêtres de notre studio. Ouais. Mais il y a aussi des fenêtres qui descendent en dessous de nous. Oui. Des marches. Des escaliers. Pardon. Oui, exactement. Des escaliers. Puis il y a quelqu'un qui montait, mais je me suis retournée puis il regardait. C'était notre public. Et voilà. Alors, j'ai vraiment fait le saut. C'est tout simplement pour ça. Mais là, ils sont plus là. Mais c'est le fun d'avoir un public parce que, comme on l'a dit au Grand Prix, alors qu'ils nous ont mis dans une roulotte qui était super confortable de gobear.com. Super confortable. On avait l'impression d'animer devant personne. Oui, mais on était quand même diffusé sur le terrain. Et voilà. Ici, on est aussi diffusé aux toilettes et dans les corridors. Oui, c'est ça. Donc, c'est la même chose. Pareil. Donc, ça existe, ça ne devrait pas. On l'a, la chronique, on achète des choses sur Internet et on le regrette instantanément. Commençons par quelque chose qui existe. Oui, ce sont des cartes d'affaires en marbre. Créées par une. En vrai marbre? En marbre. Par une firme de design de San Francisco, Micole. Pas Nicole, Micole. OK, pas Nicole. Pas Nicole, Micole. Je pensais que c'était Nicole qui les faisait. C'est les premières cartes d'affaires, présumément en marbre. Vous pouvez en avoir 20 pour seulement 125 $ ou encore 200 pour 950 $. Ça fait 6,25 $ ou 4,75 $ par carte. Oui! Et évidemment, c'est très, très mince. Là. Très, très mince. Je sais pas si ça se casse facilement du marbre. C'est sûr. Peut-être. Ben oui. Hein. Mais oui. Sur un plancher de marbre, ça va se... Sur un plancher de marbre, là, fait juste échapper quelque chose sur un plancher de marbre, automatiquement, ça casse. Ça casse la tuile aussi. Oui. Ou l'assiette, là-bas. La tuile aussi. Les deux. Wow. C'est sensé. Il y a pas mal de chances que ton assiette à casse, puis la tuile va fissurer au moins. Mets-toi vraiment en classe. Et tu peux faire mettre n'importe quoi dessus. Ouais. Ouais. Ouais, mais tu peux pas les plier. Non, tu peux pas les plier, mais est-ce que tu plies des cartes d'affaires, toi, pour les mettre dans ton portefeuille, mettons? Ben, ça rentre pas dans ma poche de pantalon. Mais en même temps, si tu les mets dans ta poche de pantalon, tu vas t'asseoir, tu vas casser. Automatique. Ah, je sais pas s'il y a des avantages à ça. Hein? Ouais. On trouve pas mal plus de désavantages voilà. Que des vrais avantages. C'est de la marbre, comme on dit. Mm. Hein? La grosse marbre. Ensuite, fallait que je le dise, j'avais pas le choix. Il a bien dit marbre. C'était facile, mais c'était j'avais pas le choix. Marbre. Ouais. Hey! J'ai dit marbre! Voyons! J'ai dit marbre. Mais oui, mais là, fais attention. Ah, mais c'est toi tantôt qui parlais de condom en silicone. On doit déjà 5 000 $ pour avoir dit le mot olympique. Ah oui, déjà. Ensuite, petite maison dans la vallée. Oui. Mais dans un champ, c'est comme un œuf, OK? Maintenant, imagine-toi. C'est laid. C'est vraiment laid. Imagine-toi un œuf avec une fenêtre sur le côté. Oui. Et une grille pour l'aération, j'imagine le chauffage. Sûrement le chauffage. Ça va dire les lumières. Les lumières, probablement. Donc, c'est un œuf qui est aussi une maison. Ça s'appelle l'éco-capsule. C'est un home pod self-sustaining. Qui a l'air de venir de l'espace, oui. Oui, faut vraiment que t'aies le goût de penser que t'es un alien. Absolument. Si tu veux faire peur à des gens qui ont un petit problème dans la tête, hein, qui portent un casque d'aluminium, là, pour éviter les ondes extraterrestres. Oui. Donc, ça génère de l'électricité via des cellules solaires, tu l'as dit, et une turbine de vent. Ça, la petite hélice sur le côté, c'est pour ramasser le vent. Ça doit être climatisé. La pile peut durer 4 jours sur une charge complète et le pod va aussi ramasser l'eau de pluie et va la filtrer pour que tu puisses la boire. Sais-tu ce que j'ai l'impression qu'il pourrait vivre là-dedans? As-tu déjà vu le film Conehead? Ouais, exactement, j'avoue. C'est une bonne idée, ouais. Ça aurait tellement fité dans ce temps-là. Dan Aykroyd. Il y a une toilette, une douche, un fourneau, un bureau et un sofa qui peut devenir un lit double. Tout ce qu'il te faut pour vivre. Mais tu vis pas là-dedans, là. Ben, c'est comme une... C'est quoi la différence avec ça et une roulotte? Mais excuse-moi, là, mais s'il mouille, ta maison devient vraiment, vraiment petite, hein? T'as pas grand espace, mettons. S'il mouille? Mais oui. T'as jamais entendu le slogan... Ben, pas vraiment le slogan, mais le... Je sais plus comment ça s'appelle... Mais on dit que si tu as une roulotte et que tu t'en vas en vacances et qu'il se met à mouiller, eh bien, sache que ta roulotte va ratisser d'un pied à chaque jour qu'il va mouiller. Fait que okay, si t'es... pas littéralement. Non, là. Pas littéralement. Okay. Mais automatiquement, si tu pars en vacances avec ta famille, vous êtes quatre, oui, vous avez une roulotte de 27 pieds, après 7 jours de pluie, votre roulotte, là, vous avez l'impression qu'elle fait juste 20 pieds. Je wow. sais, je l'ai vécu quand j'étais plus jeune. Oui, c'est ça, puis on animait ensemble pendant 2h30. Fait, hein? C'était rendu que c'était rapide de 2 cm. Mes parents avaient un motorisé, moi, il y a quelques années. C'est pas tout le temps le fun quand ils mouillent. C'est grâce à eux autres, GoVR.com. C'était assez dur de dire « va dans ta chambre ». Va dans l'armoire. Oui, c'est ça. C'est ça. Déplie-la. L'éco-capsule est le nom du produit. Ensuite, le Nod Pod. On reste dans le domaine des pods. C'est un hamac pour ton cou, Tania. Ah, oh, ça, c'est le fun. On a déjà parlé de... le sarcasme, ce sens. On a déjà parlé de hamac pour les... oui, pour les pieds, québératoire. Pour les pieds, on a parlé de hamac pour le corps au complet. Pour plusieurs personnes, il y avait un spa hamac. Oui, là, ça avait tellement pas l'air confortable, ça, non? Non. Le Nod Pod créé par Paul Blankenship pour 25$. C'est un projet Kickstarter qui a réussi à avancer son argent. C'est donc un hamac pour votre cou fait pour être utilisé en voyage, pour pouvoir dormir assis. Et là, les gens vont penser, évidemment, que tu t'es cassé le cou. Ça a recréé la façon qu'on dort au lit avec ta tête à 90 degrés, mais dans une position debout. Le cordon est fait pour que tu puisses, pour que ça ne couvre pas l'écran de télé pour le passager derrière toi. Donc le cordon vient s'attacher à ton banc, mais ça ne va pas cacher la télé du siège en arrière. C'est fait exprès pour ça. Ça prend par les côtés du siège. Et ça a l'air très rembourré. Ça a l'air tellement pas confortable. Ben, je ne sais pas. Moi, j'aurais continué le coussin plus loin sur les oreilles, peut-être, par contre, parce que ça arrête à la mâchoire, au-dessus des yeux, à la bosse ou des yeux. Regarde les premières photos, là. La première photo, la fille a l'air vraiment trop heureuse de le porter, déjà en partant. Parce qu'elle dort pas, probablement. Parce qu'elle dort pas. Puis deuxièmement, elle a vraiment l'air d'avoir le cou cassé sur toutes les autres photos. Absolument. Tout à fait d'accord avec toi. Mais si c'est confortable... Ça doit donner mal dans le cou, en fait. Je me demande ça, moi aussi. Bref, c'est Nod Pod. Si ça vous intéresse, allez voir ça sur assemblagerequis.com. Ensuite, Tania, tu veux jouer au Monopoly, OK? Mais avec de la vraie argent, OK? Oui. Mais t'as pas l'argent canadien qu'il te faut. Puis t'as pas d'argent. T'as pas d'argent en général. Tu peux te commander des billets $1 milliard de Zimbabwe. De Zimbabwe. Zimbabwe. Donc, tu peux réussir à te rendre... Ça existe pour vrai, Zimbabwe? Ça... Oui, oui. Oh, franchement... Non, mais moi, je savais pas suivi la cérémonie d'ouverture jusqu'à la fin. C'est les derniers, je pense. Pour vrai? C'était par ordre alphabétique en portugais. Ben, tabarnouche. C'est le dernier, je pense, non? Ouais, c'est de la République de Zimbabwe. Ben, je t'apprends quelque chose pour vrai. Mais je te jure que moi, j'avais toujours pensé que c'est une grosse blague, ça. Oh! Donc, comment tu les appelles, les gens qui habitent là, des Zimbabwe? Les Zim... Ah, franchement, les Zimbaveux. Tu penses? Non. Attends. Les Zim... Je cherche. Les Elohim, avec... c'est qui ça, déjà, les Elohim? Raël. Ah ouais? Bref, vous pouvez acheter de l'argent discontinué en tranche de 1, 5, 10, 20 ou 50 milliards de dollars du Zimbabwe. Ça vient directement de la réserve de la Banque du Zimbabwe pour 5 dollars. Oh, oh, oh! On a des choix de réponse ici. Oh. Soit le Zimbabwe Vogue, ou soit les Zimbabwe l'évoque. L'évoque. Ouais, fait que finalement, on est dans le champ avec les Zimbabwe. Les Zimbabwe Vox. J'aimais mieux les appeler les Zimbabwe. Ouais, je suis désolée. Mais c'est quoi la réponse? Je sais pas parce que c'est un gros quiz. Faudrait que je réponde à exactement 32 questions. Non, non, non. Tape Zimbabwe Gentilé, je pense. C'est ça qu'on appelle le nom des gens. Gentilé. Zimbabwe Gentilé. On appelle ça. Attends. Ça peut, je vais l'avoir. Zim, c'est les Zimbabwéens. Ah ouais? C'est ça? Zimbabwéens ou les Zimbabwéennes? Oui. Fait que c'est quoi le rapport avec les Zimbabwélocs? Je sais pas, probablement que c'est dans une autre langue. C'est peut-être leur groupe de musique québécois préféré, c'est après les Colocs, les Zimbabwélocs. Non? Faut que tu ris à voix haute, sinon j'ai l'air vraiment pas drôle. Merci. Elle comprend pas la radio, si tu ris pas. Mais c'est parce que si je ris, je n'arrêterai pas. Ensuite, on a parlé à ce passé de façon... J'aimais mieux les humains. On parlait la semaine passée d'empêcher les objets de finir entre les sièges. Oui. C'est comme un truc qui protégeait l'entre-siège. Tu sais, quand tu veux protéger l'entre-siège, j'entends. Oui, bon, mais c'est ça. Ça s'appelle le car seat caddy. Contrairement à Car Seat Daddy, comme tu appelles ton cas. Je vais trop loin, je sais. Ah oh non, mais je suis tellement fatiguée présentement. Ça paraît. Donc, non, mais j'en veux un, ça. Ça a l'air tellement pratique. Oui, ben en fait, c'est une slotte de cuir. une pochette de cuir. Une pochette de cuir, excuse-moi. Mais c'est du vrai cuir polyuréthane, donc pas du vrai cuir. OK, ouais, c'est pas, une fausse pochette c'est la cuirette, de cuir. Là, c'est la cuirette. Bref, et ça se met dans la slot entre les sièges et la console du milieu. Et c'est vraiment comme un genre de porte-document. Et c'est fait pour mettre ton portefeuille, ton téléphone, tes crayons. C'est comme des contenants de plus que ce que sur ta console. Et c'est fait pour tenir sur le rebord pour ne pas s'enfoncer dans la slot. Quand 24$. Tenir sur le bord. Juste tenir sur le bord. Aucune chance de rien reproduire dans ça. 23,87$ pour 0.75 par 1,5 pouces. OK. Voilà. Mais sérieusement, ça a l'air vraiment le fun. C'est beau. C'est beau, c'est vrai. On dirait une pochette pour ordinateur, oui, en fait. Oui, c'est vraiment ça. Sans zipper. Des fois, il y a un petit zipper. Oui, exactement. Mais il y a le rebord. Fait que t'as rien en... Y a l'accès direct à la slot sans zipper. Le prochain est... Ça va trop loin. Ben, c'est ce qu'elle disait, ouais. Le prochain est un livre de casse-tête. Mais tu sais, quand tout ce que je dis mène à quelque chose. Ah, oh, c'est sûr que si on a des auditeurs présentement, là. Que là, ils sont contents d'écouter. C'est rendu un total freak show. Je pense qu'ils sont contents d'écouter parce qu'ils entendront pas ça à Eric Salvaire. Hein? Peut-être. C'est encore drôle. Faudrait l'inviter, lui. Donc, le livre des puzzles pour entraîner votre cerveau pour les prochaines Olympiques, peut-être. Les prochains, c'est masculin. C'est le Book of Puzzles. À la place de créer une histoire, chacune des 5 pages, oui, seulement 5 pages, c'est un livre pour les gens de calibre primaire. C'est un livre unique qui a des puzzles vraiment compliqués que tu dois résoudre pour pouvoir avancer à la prochaine page. Ah, c'est dans mes coups. Vraiment bien fait. 150$, c'est super cher, mais tu ouvres une page, tu complètes le puzzle et tu peux débarrer la prochaine page. Ça fait tellement penser à Jumanji. Vraiment, Caroline, que oui. C'est exactement ça. J'en veux un. Il aurait dû faire un genre de châssis croisé avec une promotion. Ça existe pour vrai, là, ça. Ouais. C'est pas juste une idée qui n'est pas encore existante. Ben, en fait, OK. Bon, si tu me demandes la question posée comme ça, c'est un peu un entre-deux, là, c'est un Kickstarter. OK. Donc, comme on le sait, Kickstarter n'étant pas un magasin, mais on va aller voir. Mais ont-ils réussi présentement? J'attends que la page charge, mais tu sais qu'Internet aujourd'hui, il fait un petit peu pitié. Tout à fait. Surtout ici à la station. Ouais. On y reviendra si ça se charge. Je pense mais j'en veux un. Ça va tellement le fun. Continuons avec, tiens, alors ça c'est vraiment cool, tu pourrais peut-être aussi en vouloir un, c'est un véhicule tout-terrain qui s'appelle le Libellule. Un véhicule tout-terrain qui ressemble à, c'est comme un design de capsule si on veut, ça ressemble à une roue, OK? Oui, les fameuses bulles là, dans lesquelles tu peux rentrer puis rouler. Oui, un peu comme un hamster, mais en plus grand. Exactement. Mais c'est en forme de pneu et le milieu est un petit peu convexe. Oui. Vers l'extérieur, en tout cas, en genre de vitre plastique. Et tu, t'es dans l'eau, OK? Il y a une cabine de vitre et d'acier. Et ça vient donc avec une grande roue et tu peux avancer, pagayer, et ça fait avancer le véhicule sous l'eau. Hey, c'est vraiment cool. Vraiment très le fun. Le prix est pas là, attends un peu, c'est sur imagineactive.org. Si le prix n'est pas là, c'est que ça doit être super cher. C'est sûr que ça doit pas se vendre 3,5$ chez Toys R Us. Hein. C'est une organisation OSBL, donc à but non lucratif, dont la mission est d'inspirer les générations futures à créer les véhicules de l'avenir, fondée en 2013 par Charles Bombardier. Ça a coûté des millions de dollars. Ils ont produit plus de 200 concepts de véhicules en collaboration avec des dessinateurs industriels du monde entier. Si vous avez des idées vous-même, vous pouvez les partager en allant sur leur site imagineactive.org. Eh bien. Je m'attendais pas à ce que ce soit Bombardier qui est en arrière de ça. Ça a l'air bien fait, donc ça me surprend pas. Pour en revenir à notre projet de tout à l'heure, le livre des puzzles, ils sont rendus à 205 000 sur 30 000. Il reste encore 7 jours, donc ça s'est vraiment très bien complété. Fondé en seulement 6 heures. 6 heures pour se rendre à leur objectif. Wow. Penses-tu qu'ils vont le faire? Pas sûr. D'après moi, oui. Avec autant d'argent, là, t'es pas mal redevable. Ouais, c'est vrai. Maintenant, pour illuminer vos photographies avec des lumières LED, ça s'appelle New Light. Tu sais, quand t'affiches une photo sur le mur de ta chambre ou peu importe, ouais. C'est plate quand il fait noir, tu le vois pas, ça. Non, mais ça te tente-tu vraiment de la voir? Ben, là, ça, choisis ta photo en conséquence de vouloir la voir, bâtard. Non, mais tu seras... on dirait que... je sais pas, je traite pas tant ces cadres de photos de famille, moi, dans la vie. C'est qu'étonne un peu. C'est peut-être parce que j'en ai jamais eu dans ma maison. J'ai peut-être tes nièces neveux dans un portefeuille. J'ai déjà eu ça. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Je les ai plus. Bref, New Light utilise une technologie brevetée de lumière LED pour allumer les photographies de l'intérieur. Les photos font seulement donc 5/16 de pouce d'épais. Et ça contient... Attends un peu. The photos are only... Attends un peu. C'est accrochable sur le mur. On peut l'accrocher tel quel ou le faire encadrer. À l'intérieur du New Light Portrait, il y a des lumières LED qui vont un peu illuminer un point important de la photo. quand l'unité est fermée, ça ressemble à une photo normale. Et lorsque c'est allumé, ça va illuminer l'image à l'intérieur. Donc, ça va lui faire comme ça va lui faire prendre vie. Les portraits sont disponibles en grandeur imprimée entre 8 par 10 et 24 par 36. Donc, j'imagine qu'il faut que tu leur fasses imprimer toi-même la photo. Il faut que tu leur envoies finalement, la photo. Finalement, c'est un cadre archi quétaine. Genre, ça commence à 200$ pour le plus petit, 550$ pour le plus grand. Sur le site de newlightportrait.com. Je suis pas sûr, moi non plus. Il faut leur envoyer la photo, je suis pas mal sûr que c'est ça qu'ils veulent dire. Probablement. Ouais. Ensuite, on reste dans le domaine des lumières avec Bedlight. Celui-là, ça, c'est cool. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. On se pète tout le temps l'orteil quelque part la nuit quand on se lève pour aller aux toilettes, quelque chose de genre. Tout le temps. On a déjà parlé d'une lumière de toilette par le passé qui faisait illuminer le bol à toilette ou la bolle. Ici, c'est le Bedlight, donc c'est activé par le mouvement et ça allume une lisière de lumière sous ton lit. Vraiment cool. Donc, c'est deux bandes de 5 pieds de lumière LED qu'on place sur le lit et qui s'allument aussitôt qu'ils détectent du mouvement ou qui s'éteignent après 30 secondes ou 10 minutes. C'est un timer ajustable. Ça vient avec les accessoires pour le monter sous le lit, dont la clip pour cacher, le clip pour cacher les câbles. Ça peut être envoyé avec un ou deux sensors dépendant du nombre de côtés de votre lit que vous voulez équiper de Bedlight. Ça coûte 55 ou 69$ dépendant des options que vous prenez. Mais c'est super beau. Il faut avoir, j'imagine, un lit qui n'est pas complètement plein sur le côté. Ouais, probablement. J'imagine que ça doit se coller quand même, mais les câbles seront pas autant cachés, peut-être. Ça éclairera peut-être pas autant. Peut-être pas. C'est les drops et le par-dessus. Est-ce que t'es du genre, toi, à te lever en plein milieu de la nuit pour aller à la salle de bain? Ça m'arrivait moins avant, mais tu sais, je suis rendu dans la trentaine. Ouais, c'est ça. Hein. La vessie, elle descend. Des fois, faut juste faire des vidéos. Ça commence. Ensuite, sache que ça s'en vient, tonton. Mais moi, ça m'arrive jamais. Non, mais t'as encore 22 ans, 23 ans. Je bois genre un litre d'eau avant d'aller me coucher. Oui. Et je te jure que je me lève pas durant la nuit. Eh ben, Colin. Hey, quelqu'un que tu serais surpris qui pisse vraiment beaucoup, c'est Linton. Colin, je pense dans l'émission, elle a dû aller pisser trois fois. Chandelle maintenant. Oui, chandelle. Chandelle. À senteur, odeur d'espresso. Ah, là, tu me jases. Ah, voilà, quoi. Là, tu parles. Là, tu me parles. Faites que votre maison sente un petit peu comme un petit café indépendant, genre avec ses chandelles à l'odeur d'espresso, parfum, fragrance. 100% huile de soya. C'est du café. En fait, c'est une odeur de café torréfié, foncé. Hein? Et ça vient soit dans une chandelle de 8 onces ou un modèle de 10 onces. Ça dure 50 heures. Oh, c'est malade. 18$. Sérieusement, s'ils pouvaient créer un parfum pour hommes qui sent le café. J'avoue, hein. Hey, c'était qui? C'était Axe qui avait fait un parfum au chocolat, des odorisants au chocolat. Café, ça l'entend pas. Je serais une femme comblée. Voilà. C'est chez waxandwick.co. C'est en Illinois, en Chicago. Chicago, Illinois. Ensuite, on reste dans les odeurs avec un diffuseur d'arômes, purificateur pour la voiture. T'as sûrement déjà vu la publicité de Febreze, là, comme ils appellent en France, Febreze. Febreze. J'ai fait jouer la pub en nom la semaine passée de Febreze en France. C'est tellement ridicule, Febreze. Ouais, c'est pas super. Hein? Febreze! Qui était comme un petit clip que tu branches dans ton aération, là, ta trappe d'aération de ta voiture. Mais c'est pas assez. Ici, c'est vraiment un spray. Pareil comme moi quand je postillonne. Ça t'envoie de l'air, ça t'envoie du parfum. On dans a la quand face. Même une bonne distance. Oui, et je positionne vers l'écran parce que je regarde l'écran. Exactement. Donc, améliorer la qualité d'air de votre véhicule en équipant votre voiture de ce purificateur d'air et diffuseur d'arômes qui humidifie, stérilise et rafraîchit l'air à l'intérieur d'un véhicule pour créer une atmosphère plus santé et qui a aussi un port USB pour pouvoir charger vos appareils parce que ça se branche dans l'allume-cigarette. C'est malade. C'est pas merveilleux ça. 13$. Mais de la façon qu'il est placé sur la photo, on dirait qu'automatiquement, toute la diffusion va se ramasser dans ta face pendant que tu conduis. C'est vraiment ce que je me disais aussi. J'imagine qu'il faut que tu le twistes vers le côté que tu veux que ça envoie la... J'espère. Ouais. Je me demande si ça en lance pas trop. Peut-être. Est-ce que juste moi? Ouais. Oh, je me sens comme Guy Jodoin. Hein? Non. Est-ce que juste moi? Ouais. Oh boy. En tout cas, mais... ça m'a déconcentré complètement. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, que le Febreze. Oui. Ça pue que le Colin. Ben, ça dépend quelle saveur tu prends. Ben, l'original. Quelle flaveur. Flavor Flav. Je suis pas capable de l'odeur du Febreze. Le Febreze? J'aime pas ça. Ou, l'original, j'aime pas ça. Non. Ah, mais okay. J'aime bien, ils ont une saveur. une odeur. C'est fait pour sur les draps la nuit. Oui. C'est odeur de miel et lait. Ah, oh, ouais. Je l'aime bien, celle-là. C'est une chance qu'il faut pas que tu le laisses là jusqu'à temps que ça passe les dates. Ça sent les œufs. Je l'ai cahier. Wow! On reste dans la... dans l'odeur de bois, peut-être, dans ce cas-ci, de l'odeur de salle de bain. On revient à la salle de bain, si on veut. Je verrais ça dans un man cave. Mais absolument, à côté du truc pour tirer aux fléchettes, puis de la table de poule, tout ça. Exactement. C'est un signe, une vanité qu'on appelle des fois... Une bouteille de scotch. Une bouteille de scotch m'enchante. Donc, c'est vraiment un robinet. Ça ressemble à un baril. Oui. C'est en bois. Et dedans, il y a les vrais robinets et la champlure de métal brossé, c'est super beau. Et t'as le contenant à eau, là, comment t'appelles ça, avec le trou. Le sink. Qu'on appelle... Mais pour vrai, vanité puis sink, c'est des mots en anglais qu'on utilise en français puis qui n'ont pas rapport. Hein. Mais oui, mais attends, là, c'est pas la robinetterie. La plomberie. Non, mais je vais... Continuons, je vais te trouver ça. Donc, ramenez un morceau de la Napa Valley dans votre maison avec un... en fait, c'est un signe vanité en baril de vin. Chaque morceau est fait d'un baril de vin de la Napa Valley. Et c'est en cuivre. Un hammer copper sink et brush bronze widespread facet. Donc, un robinet... une champelure de bronze brossée. C'est vraiment beau. Sans, évidemment, combien tu paierais pour ça? Tu voudrais un homme riche, je pense, si tu voulais avoir ça. 1 500 $. Tout ça pour un lavabo? Ouais, mais un lavabo en bois puis en bois. Ah, c'est pas ça, un lavabo? Je pense que c'est un lavabo. Ce dans quoi ça tombe? Parce que, tu sais, mettons, dans la cuisine, on appelle ça comment un sink. Puis dans la salle de bain, c'est une vanité. Mais en même temps, les deux sont des lavabos. C'est ça l'affaire. On a différencié ça pour une raison que j'ignore. Pis si tu tapes lavabo sur Google Images, ben ils t'en sortent plein comme ça. Ouais, hein? Fait que d'après moi, c'est le lavabo. Est-ce que t'as cherché sur le Wiktionnaire? Genre, on va faire de la bonne radio pendant 2-3 minutes, mais ça m'intrigue. Lavabo. Futur de laveur. Non, c'est ça, étymologie. Du latin lavabo, je laverai. Futur de laveur, provenant probablement du rituel de la messe au moment du lavement des mains du prêtre. Okay. Après avoir béni le pain et le vin. L'installation domestique ne prend le nom de lavabo qu'aux premières années du 9e siècle pour désigner une table de toilette, un meuble ayant une cuvette enfoncée, c'était cuvette le mot que je cherchais tantôt, où de l'eau coulait afin de se laver, puis la cuvette. C'est une cuve! Puis la cuvette a rapidement pris le nom de lavabo pour finalement, au moment où les tuyauteries de la modernité conduisaient l'eau aux habitations, nommer l'appareil sanitaire remplaçant les anciennes cuvettes prévues pour la toilette. Mais tu vois, si c'est dans la cuisine, c'est une cuve. Si c'est dans la salle de bain, ils disent lavabo. Eh ben, pas tant. Boum! On va pouvoir vendre des lavabos dans pas longtemps. C'est ça. celui-là. Ton man boy toy... Quoi? Hein? Aura pas ça, j'espère. C'est une cravate qu'on met autour du cou, mais pas une cravate qu'on va venir attacher avec classe en faisant un nœud. Dans le style 50 Shades of Grey. Non. C'est vraiment genre un élastique qui va autour de ton cou. C'est laid. Et tu mets ça et t'as une pochette à l'avant pour tenir ta bière. Ça fait surtout très, très alcoolique. Ben, ça fait pique-no, je trouve. Ça fait hillbilly. Ouais. Ça fait... ouais. Ça fait That 70s Show. Genre, c'est comme un genre de cozy. En plus, c'est fait pour tenir ta bière qui est froide ou ton café qui est chaud pour pouvoir boire à même la cravate. Ça s'appelle le Bev Tie. B-E-V Tie, donc pour breuvage, beverage. Avec. non seulement. Ok, tantôt, j'ai dit que c'est un élastique pour aller autour de ton cou. Non, c'est pas un élastique, c'est un velcro. Ah non, c'est pire. C'est encore pire. Ça élimine donc les nœuds à prendre. Et quand t'as bu beaucoup, tu seras pas capable de toute façon de faire un nœud. La bevetaille, ça coûte 20 $. Ah, oh, mon Dieu. Alors, on a parlé avec Lintan il y a quelques semaines de la spiddle. C'était une genre de louche qui était aussi une cuillère. Qui était aussi, c'était comme plein d'affaires que tu pouvais l'accrocher sur le bord de ton chaudron. Là. Donc, ça s'appelait la spiddle. Les gens chez Dream Farm ont créé une nouvelle version déjà du spiddle. C'est la Holy Spiddle. Les mêmes caractéristiques que la spiddle d'origine, donc la capacité de transformer une cuillère en louche avec simplement une simple torsion de la poignée. Mais la Holy Spiddle a aussi des trous et des dents pour pouvoir performer plusieurs autres affaires comme prendre des pâtes. Des petits pois. Oui, extra petits pois. Extra petits pois. On sait qu'à la cafétéria, si t'as pas de petits pois... Oublie ça, on va prendre un cup sandwich. Exactement. Si tu ne mets pas de petits pois sur mon hot chicken... Ça marche pas, madame. C'est ça. Holy Spiddle, disponible en 8 couleurs. Prix de 20 $, dreamfarm.com pour les infos. Évidemment, en dollars américains. Là, je me rends compte que j'aurais vraiment pas dû mentionner le nom de 50 Shades of Grey. Je reçois plein de maisons. Oui, hein? Je suis désolée. Des gens qui sont prêts à exécuter des demandes. Exactement. Dans leur man cave. Là, les boy toys. Le Spare Tree. Spare Tree, on dirait genre, je sais pas, je dirais un cendrier accessoire secondaire. sais, quand t'as un spare tree. Ouais. Tu comprends que c'est un jeu de mots avec spare et puis tree. Mm-hmm. Mais c'est pas ça, c'est spare comme dans l'air et tree comme dans un socle. Donc c'est comme une petite tablette pour ceux qui voyagent souvent en avion. On manque de place pour mettre ses affaires, mettre son téléphone, son petit drink qui est dans un petit bol de plastique, son jello. C'est une tablette qui vient par succion s'accrocher à la fenêtre de l'avion pour mettre tes cossins. Hein? OK. 13 par 5 pouces. Parfait pour breuvage, téléphone, collation. C'est super facile à installer. Et surface anti-glissage. Glissement, glissation. Faut le demander à TVA, je pense que c'est glissation. Glissation. C'est ça. Ça sonne anglophone, ça, glissation. C'était. Qu'est-ce qu'ils ont dit à TVA récemment que j'ai aimé sur Facebook? Interdissement. Interdissement, c'est cœur. C'est cœur. C'est plus une interdiction. Mais c'est rendu vraiment. C'est un interdissement. C'est un puissant fond d'aberration à TVA. C'est cool à mort. Oh. Les gens sont tellement pas payés cher, ils prennent même pas le temps de regarder dans le dictionnaire. Bref. Ça va ben trop vite. On va être à l'affût c'est de la ça. Nouvelle. Nous, on est live puis on parle de même. Ça peut arriver qu'il y ait une erreur. Mais eux, ils ont pris le temps d'aller l'écrire sur leur bas d'écran. Bref, qu'est-ce que je disais? Ça peut être facilement mis dans votre sac quand vous chargez pour entrer et sortir de l'avion. SpareTree sur SpareTree.net, SpareTree.net, 20 $ américains sur Amazon. Faut juste que tu t'assures que ça fonctionne sur le hublot de l'avion, non? Ouais, ben tu sais, en même temps, tu mets des affaires. La fenêtre est au-dessus d'un siège. Si ça tombe, ça va tomber sur le siège, sur le tapis. Là. Ouais, Dédé, ouais, t'as raison. C'est pas tapis dans un avion. Hein? Oui, non. Le vin, des fois, qui tomberait. Hein? Non, c'est pas des tapis, c'est comme du. Je veux pas dire du plastique. Moi, c'est ça. Ils ont mis du brûlant. C'est du mica partout. Du mica. La mica. Tuile en marbre. Ça me rappelle les souvenirs de couverture de livres. Eh boy. Du mica. Bref. Tiens, loufa. Des fois, on utilise le mot loufa en anglais pour parler d'un genre de long bâton avec des dents dessus. Genre des. Un peu comme une brosse à dents pour te laver l'intérieur du. Quoi? Mais le loufa, c'est pas juste ça. C'est aussi. Qu'est-ce que tu regardes, toi, sur Internet? T'as jamais entendu parler de loufah et d'objets sexuels? C'est comme. Non! Là, je viens de. Ah, OK, ça! Ah, OK, ça! Mais, c'est pas utilisé pour se laver ça! Pour se laver ça! Tu peux aussi faire des affaires sexuelles avec ça. C'est pour exfolier ton corps! Et ton. Ça fait non, du corps. Si tu te mets ça là. Ça va piquer sur un méchant. C'est une championne, là! C'est ouais. Abrasif à fond, là! Ouais, mais là. Fantastique. Non, mais tu. T'es repu à la salle de bain pendant genre 3 mois. Des filets pendant quelques mois. Ouais, c'est ça. Bref. C'est sûr que tu saignes. Cherchez loufa sur Google Images. Là, on parle de. Dans le fond, c'est comme une moussette. Tu sais, les moussettes pour te savonner dans la douche pour avec un petit corps. Pour t'exfolier, exactement. Oui, c'est ça. Bon. C'est un petit peu plus dur qu'une moussette. Ouais, mais je trouve ça plus pertinent qu'une oui, okay. Débarbouillette. Bon. Bref, un loufa, mais cette fois-ci, c'est un loufa remplissable. Qui c'est va distribuer du savon, en fait. 35$, donc à la place de tout le temps avoir à remplir ça, de mettre du savon sur ton ta moussette et puis te savonner après, tu mets directement dans le porte-moussette et ça va tout le temps être rempli de savon. Sauf du temps, finalement. Ouais, finalement. 4 onces de votre gel pour le corps préféré et un simple squeeze, ça sort pas n'importe quand, c'est pas comme une. OK. C'est pas comme pour laver la vaisselle où le savon sort tout le temps un petit peu trop puis tu gaspilles un petit peu de savon. Moi, je trouve ça préférable quand même, mais je trouve ça approprié comme quantité de savon, mais là, ici, c'est toi qui pèse en tant que tel. Mais est-ce que t'es sûr que si tu le laisses pas sur... Le vidéo est vraiment troublant en passant. Regardez pas le vidéo. Mais si tu le laisses sur le bord de la douche, ça va pas... Tu sais, ça doit sécher, ça doit devenir dur à cause que le savon est tout en dedans. Il est pas exposé à l'air, donc peut-être pas. Ah, peut-être pas. Je pense que c'est surtout s'il était exposé à l'air. Mais c'est vraiment la pire annonce que j'ai vue. C'est vraiment comme... bizarrement sexuel, hein, parce qu'on la voit vraiment comme juste avant le nipple. T'sais. Ouais, mais non, mais attends, c'est parce qu'il y a le gars qui arrive aussi à un moment donné. Ouais! Ouais! Y a pas de boom chica wow wow derrière c'est ça? Comme, Est-ce qu'il y a du son dans genre musique de porno dedans? Avec... c'est pas tellement sexy, je trouve. C'est comme un pompier en plus, là. Ah! Oui! Puis ça, en bas, ça écrit Feeling Dirty. Je suis sans sale! Détaillez-vous professionnellement. Il sort le saloufa qui, elle, est noire, vu que c'est un gars. Automatiquement, ben oui. T'as plus de suisse. Ben oui. Toi. Il est rentré dans la douche au ralenti, en plus. C'est la fille qui le lave avec le loufa du gars. Et le gars lave la fille avec le loufa de la fille. Ouais, puis même jusqu'à la fin du vidéo, c'est vraiment la pire pub que j'ai vue au monde. Mais c'est vraiment pas assez kinky comme musique. Mathieu, t'avais peut-être raison, finalement. C'est peut-être un objet sexuel à la base. Parce que tu me crois pas. Tu me crois pas. Mais non, mais un vrai loufa, là. Il lave le coco. Je sais pas s'il a mis deux maillots de bain pour faire son salon. Je sais pas. Il faut aller votre douche comme un pro. Faudrait l'appeler puis lui demander. C'est ça. Ah, que c'est beau, les petits zoom-in sur la mousse, là. Ah, oui. Loofah Pro Squeeze Lather Wash. Donc, squeezer, éparpiller, puis laver. Et voilà. Non, je suis vraiment pas sûre de ça, moi. Non, eh ben. On sait quoi ne pas t'acheter. Ouais. Les gars, à l'école. tiens, justement, tiens, est-ce que t'aimes? On a parlé, encore une fois, là, je m'excuse, là, t'as manqué deux émissions, puis on a eu beaucoup de Lintan depuis les derniers temps. Mm-hmm. On a discuté avec Lintan de Kilt. Ouais. Donc, on se demandait si, bon, il y avait des sous-vêtements, il y avait des Kilt, il y avait des gars en Kilt à Trois-Rivières, genre. Mais oui. Comme ça. Bon. Mais je sais qu'il y a certains musiciens qui font ça souvent. Ouais. Ils sont en Kilt. Ben, ah! Quoi? Bonjour, non, public. Faut-tu me dire ce qu'il y a dehors dans ce temps-là? Ouais, excusez, c'est notre public qui revient. OK, ben, ils nous entendent pas, mais non, mais ils montent les escaliers puis ils me regardent. Ah, on va faire ça au haut-parleur à gauche. Ouais, dehors. Ça serait pas pire. Viens nous voir, pavillon de la vie étudiante, dans le creux de livraison de bière. Voilà. Bref, Damn Near Kilt'em Kilts est le nom du prochain produit. C'est très, très masculin. Donc, on nous dit ici qui fabrique cette compagnie-là, Damn Near Kilt'em. C'est des producteurs de Sport Utility Kilt, des Man Kilt. Ça existe depuis vraiment longtemps, depuis 2012, mais en oui. fait. Mais il y en avait avancé de d'autres compagnies. Ici, on parle du Greenhorn pour 65$ et du Tactical pour 100$. C'est 24 pouces de long. Ça inclut plein de poches cargo pour transporter tes équipements. Donc, si tu veux un kilt, un man kilt, c'est sur damnnearkiltem.com. Voilà. Mais pourquoi tu faire du sport en kilt? Bonne question. J'avoue que sport, c'est pas nécessairement la meilleure... En tout cas, le gars, en plus, sur la photo, il a l'air de jouer au paintball. C'est viril, sens-tu t'as. Mieux si t'es aéré, genre? Ça fait méchant snap, ça. Oh! Est-ce que tu utilises beaucoup de papier collant dans la vie? Tu sais quoi? Oh, fantastique, ça. J'utilise pas de papier collant au lit. Ah. Mais il y a quelque chose qui suit dans ma famille. C'est tout ce qu'on a dans les mains. On doit réussir à faire des cercles avec ou genre des boules avec. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je savais que c'était sexuel. Faut faire des boules avec. Je savais. Si tu prends un bout de papier, tu sais, on va tout le temps comme le rouler. Pour faire une sphère parfaite. Exactement. Okay. Et c'est tout en ça que je fais avec du papier scotch tape. Alors, la plupart du temps, mon scotch tape, il m'utilise absolument rien d'autre que de faire des sphères. Ouais. Moins efficace le condom de faire en sphère. Donc, c'est un distributeur de rubans collants Zip Zip, ZYP, ZYP, pour arrêter de chercher tout le temps le bout de son papier collant. C'est difficile des fois. Donc, le Zip Zip Minimal Tape Dispenser élimine le problème. Donc, avec quelque chose de plus efficace comme en bout. Donc, c'est fait en Allemagne et comme dirait Vince dans les infos publicités, si c'est fait en Allemagne, tu sais que c'est de la qualité. Oui. Donc, c'est du cuivre, du nickel ou de l'aluminium, je crois. Ça s'installe sur n'importe quel ruban, sur n'importe quel roulette de papier collant de 12 mm de largeur et de n'importe quel diamètre. Comment ça fonctionne, c'est que... Ben, c'est un peu difficile à expliquer, mais il y a une petite vidéo pour le montrer sur assemblagerequis.com. T'appuies sur un côté et ça va comme décoller le papier collant qui a été passé par le trou du rouleau. Et tu vas tirer ça à la bonne longueur et tu vas ensuite pouvoir repeser sur le bouton. C'est comme un genre de... On dirait un sifflet, probablement. Oui, mais c'est merveilleux dans le temps de Noël où t'as vraiment beaucoup de paquets à... Enrobé. Tu l'avais dit que c'est sexuel. Comme ça. Tu l'avais dit. Beaucoup de paquets emballés, c'est ça. Donc, ça ressemble à un sifflet, imaginez-vous. Et le bout du papier collant passe dans une petite slot. Okay? Et après ça, ça va comme... Tu vas pouvoir peser, tu vas pouvoir tirer sur le gadget en sifflet pour faire décrocher le papier collant. Et l'embout en cuivre ou peu importe en quoi, qui est vraiment comme en super métal brossé. Mm-hmm. Tu peux après ça déchirer ton papier collant. Et ça s'installe à n'importe quelle roulette. OK, fait que finalement, tu le passes dans le slot, tu y tires sur le sifflet... Puis tu peux emballer le paquet. Wow, t'es pire que moi dans celui-là. 27$ américains. Zipzip.de. ZYP, trait d'union, ZYP.de. Quelques derniers, on va finir bientôt. Désolée à tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui. C'est on s'amuse. La pire émission à caractère sexuel qu'on a jamais faite. Pas une épée. Tiens. Ah, comment ne pas faire de gags sur le prochain? Lors de tes relations kinky, hein? Et qu'on t'attache les mains. Jamais arrivé, le wow, pas là-dedans. Un jour peut-être. Donc, pour te débarrasser de tes attaches aux poignets. Tu sais, mettons, ils t'ont attaché les poignets avec comment on appelle ça? Des étailles. Pas des tie-wraps, tie-wraps. Exactement ça. Oui, tie-wraps. Maintenant, tu vas pouvoir te servir de tes cordons de souliers de Kevlar pour te libérer. Mais oui, rien de moins. Ben, rien de moins, c'est super tactique, là. Non, c'est ça, souliers. Ou si vous êtes genre à vous faire kidnapper vraiment souvent, je trouve ça. C'est ça. Ouais. Dépendant du quartier. c'est ça, Montréal. À Rio, ça arrive beaucoup. Ah, Ryan Lochte, je pense. Ouais, ouais, lui, non, on va en parler tout à l'heure. Je sais pas. Donc, les souliers, les lacets de souliers, oui, de ITS Tactical, c'est fait à 100% de Kevlar. Ça ressemble à des lacets normaux, mais ça peut être utilisé avec la friction, comme une scie à friction pour faire fondre les zip ties, les tie wraps. Ah, ouais. Ouais, ITS Kevlar Escape Laces, ça pourrait être utile aussi pour. Parce que ça a une force de 360 livres. C'est disponible en longueur de 54, 60 et 72 pouces, entre 11 et 13 dollars la paire. Visitez ITS Tactical pour plus, itstactical.com pour plus d'informations. Moi, tu sais, quand tu me dis, bon, 54, 60, 72 pouces, moi, mon cerveau de gars qui magasine drôlement me dit, ben, me prendre les plus longs pour être sûr. Ben oui. Puis là, tu te retrouves à devoir faire comme 14 boucles une par-dessus l'autre, s'essuyer. Non. Y a-t-il quelque chose de moins attrayant en plus que des boucles de lacets sur des souliers? C'est pas beau. J'ai été mal pris parce que mes cordons avaient pété sur mes souliers. Mes souliers sont comme. Ils ont plein de trous. C'est les souliers les plus ruinés du monde. Faut absolument que j'en achète des nouveaux. Mais mes cordons ont pété. Fait que je suis allé à la pharmacie et il y avait juste une paire de condons. De condons? Oh, quand t'as le 500 en tête! une seule paire de condons. Oh boy! C'est lapsus! Qu'est-ce que je disais? Oui. Donc j'ai acheté les seuls. Cordon qui faisait extra lubrifié et en zigzag pour son plaisir. Ouais, exactement. Mais il était beaucoup trop long. Il a fallu que je fasse le tour de ma cheville. Ah, oh, oui. Et que je rattache deux fois le nœud. Ça m'a duré une semaine, je suis allé en acheter d'autres. Mais te souviens-tu les lacets de Converse bien souvent dans le temps, ils étaient faits de même? Ah, ouais. Parce qu'il fallait justement que tu fasses comme trois tours sinon, de ta cheville. Le suivi tenait pas ou quoi? Je comprends pas. Je sais pas, non, mais vraiment, les gens avaient pas compris que t'avais pas des pieds de 12 pieds, des pieds de 12 pieds de long. C'est pour toi, hein? Ouais, excuse-moi, Mathieu. Voilà, je vais arrêter là parce que là, on dépasse le cas horaire. C'est tout pour 5 sous, ça devrait répondre là. Le reste, la semaine prochaine. Dans quelques instants, Tania va nous divertir la place. Encore? Va nous remplir le ouais. Attention à ce que tu dis. La. Va nous stimuler le. Oui? C'est ton retour dans notre émission. Beaucoup trop immature. C'est vraiment une des pires. Ouais. Mais on va essayer de faire mieux la semaine prochaine. Dans le sens de encore pire. Ouais. Ouais, c'est là. Un sondage de qui? Pour toi aujourd'hui. Un sondage de qui? Vous êtes à Cifou? 89.1, Trois-Rivières. Vous êtes à Cifou? À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Un sondage de qui? Pour toi aujourd'hui. Un sondage de qui? Toujours à Sondage Rocky pour la semaine du 22 août 2016, c'est le Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Médaille d'or de C'est Fou. Oui, voilà. Aussi parmi quelques-uns des seuls animateurs à C'est Fou. C'était oui. Il y en a pas bien, c'est bon. Non, c'est ça. Est-ce que t'es prête? Je suis toujours prête. Pas besoin de préliminaires, c'est ça que ça veut dire. Toujours prête. C'est Tania's gonna entertain ya. Bon, tu peux faire moi. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna do it. Ça fait longtemps que je l'avais pas entendu, Mathieu. Trois semaines. And she's gonna do it. Hey. Ça faisait vraiment longtemps, ça me manquait. Oui, j'aurais dû mettre la musique des Olympiades, mais on n'a pas les droits d'auteur. Radio-Canada va nous poursuivre. Si t'as Google, t'as trouves pas, on peut faire jouer l'hymne national canadien à place. Ah ben là, par contre, peut-être. Oui. Ça serait malade. Mais aujourd'hui, on parle donc des Olympiades. Oui, tout à fait, des Olympiades, ou du moins, on va appeler ça Rio 2016. Voilà. Parce qu'il y a 3 semaines, la dernière fois qu'on s'est parlé, vous et moi, bien, on a fait un petit peu... Le survol, le vol de ce qui allait venir pendant les Jeux. Vol puis revol sur ton bateau. C'est ça, vol ton bateau qui crasse. Sur, voilà. Alors, c'est terrible. C'est beau. C'est n'importe quoi, honnêtement. Oui, on avait discuté des espoirs olympiques canadiens. On avait parlé de ceux qui étaient québécois aussi. On avait discuté tout juste avant l'ouverture des Jeux olympiques. Puis là, il n'y a plus de son en arrière de moi. Puis je suis comme, wow! Aïe. Ouais. Un, t'as des oiseaux. Deux, t'as de l'air. Arrête de te plaindre. Ah, c'est malade. Alors, de ce côté-là, je me suis dit, vu que c'est la fin des Jeux olympiques... On peut pas dire olympiques, là, ben sérieux, oui, c'est vrai? Okay. Vu que c'est la fin des Jeux olympiques... Ça tellement sérieux. Depuis tantôt, je suis comme... Vu que c'est la fin Premier des... degré, hein? Ouais, je sais, ouais. Ça n'a pas d'allure. Vu que c'est la fin des Jeux olympiques, eh bien, j'ai tout simplement décidé de faire un survol de ce qui s'est passé durant ces deux dernières semaines-là? Deux semaines, ouais. 14 jours? 2, 12? 20 jours? Non. 20? Non, 14. Non, du 5 au... 20 et... Attends, ça finissait avant-hier. 21. Avant-hier. 5 au 21. C'est ça. C'est ça. Calcule comme tu veux. 16. 16 jours. 16 jours. Ouais. Alors, de ce côté-là, j'ai tout simplement décidé de discuter des Jeux olympiques parce que c'est quand même important. Puis peut-être qu'on n'en parlera pas comme n'importe qui d'autre en a parlé. Ben, j'espère, Tania, sinon c'est devoir. C'est ça. Alors... Si vous vous rappelez, je vous avais pointé quelques athlètes sur qui on devait garder un œil durant les Jeux olympiques. J'ai comme le goût de faire un retour sur qu'est-ce qui s'est passé avec ces athlètes-là. Ouais. Est-ce qu'ils ont réussi à faire ce à quoi on s'attendait ou ça a tout simplement mal été pour eux? Ouais. Il y en a plusieurs, mettons, que ça n'a pas super bien été. On avait entre autres parlé d'Antoine Valois-Fortier en judo, qui lui était vraiment un espoir du côté des Jeux olympiques et de l'équipe Canada parce que c'était un médaillé de bronze de Londres. Et il avait gagné, entre autres, les championnats panaméricains en 2016. Il avait remporté l'or. Ça n'a pas super bien été pour Antoine Valois-Fortier. Il a eu beaucoup de difficultés lors de ses combats. Alors, malheureusement, on n'a même pas réussi à pouvoir être près d'un podium de sa part, mais quand même, ça nous a fait... Le podium se reculait à chaque fois qu'il avançait. Mettons. Non. Oui, c'est quand même vrai. Du côté de la boxe, on avait discuté d'Ariane Fortin, qui, elle, était une boxeuse qui avait aussi remporté une médaille de bronze aux Jeux panaméricains en 2015, et elle était la double championne du monde depuis Londres, et voilà. Et elle voulait vraiment prouver sa valeur, puisqu'elle était capable de faire à Rio. On se souvient, on avait discuté. Et malheureusement, quelques heures avant son premier combat, Ariane Fortin a tombé malade. Ah non. Donc, elle a vraiment passé une nuit complète à être malade. Elle a été transportée à l'hôpital. Quelques heures avant son combat, elle a décidé de sortir de l'hôpital et de se présenter pareil à son combat. Et malheureusement, elle a perdu, mais on sentait justement dans ses propos à Radio-Canada que si elle avait été en forme, probablement que ça aurait été un meilleur combat que ça et probablement qu'elle aurait pu justement obtenir une médaille, probablement même une médaille de bronze au minimum. Alors de ce côté-là, c'est un petit peu décevant parce que c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment contrôler et surtout les athlètes, quand on arrive comme ça aux Jeux olympiques, on voyage pas dans notre propre pays, on boit pas l'eau qu'on connaît. On mange pas vraiment la nourriture qu'on connaît aussi. Alors, de ce côté-là, j'ai comme l'impression que ça a été un mélange de tout ça avec le stress et la pression qu'il y avait sur ses épaules. Malheureusement, ça s'est plutôt mal terminé pour Ariane Fortin. On avait discuté aussi en plongeon du Fab Four, les quatre filles qui étaient fabuleuses. Malheureusement, il y en a deux d'entre elles que ça n'a pas super bien fonctionné non plus. Jennifer Abel qui s'est pas rendue à une médaille. Elle, qu'on la connaît depuis vraiment plusieurs années pour se ramasser sur le podium aux Jeux olympiques. Ça n'a pas été le cas cette année. C'est un petit peu décevant, mais c'est quelque chose qui arrive. On n'est pas toujours au meilleur de notre forme et on ne peut pas tout le temps performer à son 100%. Elle l'a elle-même dit en entrevue. Elle est très contente d'avoir fait ce qu'elle a fait, mais malheureusement, elle n'a pas atteint une médaille. Par contre, il y a Roselyne Fillion et Megan Benfetto. J'ai de la difficulté à dire son nom cette fois-là. Ton italien a des lacunes. Ouais, je sais. Ça fait longtemps que je n'en ai pas vu. Alors... Du côté du plongeon, c'est les deux seules médailles qui ont été remportées. On a remporté le bronze pour les filles, qui est Megan et J'étais là, oui, allô? C'est Megan et Roselyne. Et par la suite, lorsqu'ils ont été le temps de faire leur plongeon individuel, là aussi, de ce côté-là, ça a peut-être moins bien fonctionné pour Megan Benfetto. C'est Roselyne Fillion qui a gagné la deuxième médaille au plongeon individuel. Alors, le Fab Four a plutôt été un Fab Two durant les... un half and half. C'est ça, un half and half durant Rio 2016. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. On a plusieurs autres, autres athlètes canadiens, par contre, qui se sont super bien démarqués. Entre autres, une des plus jeunes athlètes à avoir gagné 4 médailles en natation. Et si on fait le tour aussi des médailles vite fait comme ça au Canada, combien est-ce qu'on a eu de médailles? Ouais. 22? Les États-Unis, c'est comme 120 quelques, non? Ah, sont-tu ouais, rendus à ça, pour vrai? Vraiment beaucoup, il me semble. T'es-tu sérieux? Il me semble. Je suis pas sûr du tout de ce que j'avais. J'essaie de fouiller, j'ai vu un gros chiffre. Hein. Ah, ouais? Ouais. Non? Ben, je sais qu'on avait, on avait une bonne différence avec, avec les États-Unis. Déjà, dès le 10e jour, il y avait comme une avance de 36 médailles sur tout le monde. Donc, de ce côté-là, c'est un petit peu plus difficile, mais on a quand même remporté 6 médailles du côté de l'athlétisme. Alors, on est fort de ce côté-là. Une médaille d'or, une médaille d'argent et 4 médailles de bronze. Natation, une médaille d'or, une médaille d'argent et 4 de bronze encore une fois. À la lutte, on a réussi à avoir une médaille d'or. Même chose en trampoline. Trampoline, c'est une des plus jeunes athlètes aussi qui a remporté ça. Et ça faisait des années que le Canada n'était pas allé aux Jeux olympiques en performant... au super de sa forme, mettons, du côté de la trampoline. Alors ça a vraiment fait le tour des journaux ici au Canada et au Québec. En aviron, on a reçu une médaille d'argent. Du côté du plongeon, je viens d'en discuter, 2 médailles de bronze. Football, ça c'est le soccer, bien évidemment. Le vrai football. Oui, le vrai football, comme le dirait le soccer américain. Là. Le Canada a réussi à remporter la médaille de bronze sur le Brésil. Oh. C'est un match qui, si vous l'aviez écouté, était quand même... pas le match du siècle, mais un super beau contrôle de la balle du côté des Canadiennes. C'est ça qui était le fun à voir. Moi, je suis une fille qui a pratiqué le soccer quand même quelques années. On ressentait justement ce vouloir-là d'avoir pour une deuxième fois la médaille de bronze du côté des Canadiennes. En semi-finale, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé exactement avec les joueuses canadiennes, mais on n'a aucunement joué le match de demi-finale comme on a joué le match pour la médaille de bronze. Et peut-être que si on avait inversé les deux matchs, on aurait pu avoir une médaille de bronze à ce moment-là. Parce que lors du match pour la médaille de bronze, ça a vraiment été un contrôle parfait de la balle vers les dernières minutes de la partie. Là, on a commencé à ressentir que, bien évidemment, les Canadiennes étaient peut-être un petit peu plus fatiguées. Mais de ce côté-là, ça a vraiment été, je veux pas dire une domination, parce qu'encore une fois, ça n'a pas été le match du siècle. C'est pas, ça n'a pas été le super beau match peut-être que tout le monde aurait voulu voir. Par contre, on avait vraiment comment je pourrais dire ça? On avait une avance sur les Brésiliennes, tout simplement. Et c'est sûr que du côté du Brésil, c'est un petit peu plus difficile lorsque tu joues dans ton propre pays pour avoir une médaille et que malheureusement, tu perds. Mais de ce côté-là, félicitations. Et entre autres, félicitations à une des filles de l'équipe de soccer du Canada, qui est Marie-Ève Nau, qui vient d'ici, de Trois-Rivières. C'est Marie-Ève Nau! Voilà. Satisfaction! Non, je pense pas. Mais c'est une fille de Trois-Rivières qui, ça fait des années qu'elle travaille avec l'équipe Canada. Donc, de ce côté-là, félicitations. C'est sa deuxième médaille de bronze, bien évidemment, après les Jeux de Londres. Du côté du vélo tout-terrain, une médaille de bronze aussi. Rugby à 7. Oh! Une médaille de bronze, on a gagné du côté du rugby. Cyclisme sur piste, une médaille de bronze. Équitation, une médaille de bronze. Donc, on a vraiment une belle moyenne de bronze au Canada. Et on a simplement... On est tout le temps sur le bord de ne pas gagner. C'est comme bronze, c'est comme vraiment le bas de l'échelle. Dans le rang des pays, on est en 10e place. Juste sur le bord de ne pas être dans l'espace. Oui, c'est ça. Ouais. C'est... En passant, 121 pour les États-Unis. Ouais, oui, 121. 121, oui. 46, 37, 38. Mais si tu regardes le bassin d'athlètes aussi, tu sais, les représentants américains doivent être beaucoup plus nombreux que les représentants canadiens. Déjà, en partant, ils ont une plus grande... probabilité de chance, voilà. C'est ça. Je suis persuadée de ça. Est-ce que tu veux parler des moments forts des Jeux olympiques de Rio 2016? Rio. Ça te tente-tu? Ben oui. Eh bien, de ce côté-là, évidemment, il y a les adultes. C'est Mario à la fin dans la cérémonie de clôture. C'est mon meilleur bout. Oui, tout à fait. Non. C'est en premier les adieux de Michael Phelps. Oui. qui a fini sur une méchante bonne note. Qui a fini sur une méchante bonne note. Là, on s'est gagné, c'est quoi, 12 médailles, genre? Sur les 121, il y en a probablement gagné comme 24, ouais, là, je sais pas. Sérieusement, il y a ce gars-là... Il était même pas offert, genre. C'est comme il s'est créé ses propres médailles. Ce gars-là, c'est sûr que ses mains et ses pieds sont des palmes. C'est ça. C'est sûr. Faut ouais. demander à sa blonde. Ça ou qu'est-ce qu'il mange pour déjeuner. Ah! Quoi? Hein? Ah non, mais je parle de ses mains et de ses pieds. Ouais, ouais. Ah non, mais il fait de la natation. Ah ouais. Il sort de son foufou de comédiste. C'est fou. Mais est-ce que tu te souviens, par contre, qu'une des épreuves qu'il a pas gagné la médaille d'or, si je me souviens bien, et c'est le fun parce que j'ai trouvé ça sur Facebook. En fait, en 2008, il avait rencontré un jeune garçon pour qui Michael Phelps était son idole. Et en 2016, ce jeune même garçon-là a réussi à battre Michael Phelps. Oh, l'élève qui bat le maître. C'est cute. C'est pas merveilleux. Mais il prend sa retraite. C'est comme ça. C'est ses derniers Jeux olympiques. Ben, félicitations d'avoir fait autant de choses en aussi peu de temps dans ta vie. Tout à fait. Il y a quoi? Il y a dans une trentaine, non? Oui, je pense qu'il y a 31 ans. Oui. Oui, 31 ans, exactement. Ça fait pas mal plus de choses que moi à cet âge-là. Il tire un trait définitif sur sa carrière avec 6 médailles. 6 médailles à Rio. Il a-tu dit, en fait, si je me rappelle bien, l'entrevue que j'ai vue avec lui, c'est qu'il allait continuer de nager, mais juste pas en compétition. Oui, probablement, parce que souvent, c'est ça que les athlètes professionnels vont faire. Ils veulent rester dans le bain, puis ça fait des années qu'ils s'entraînent comme des fous s'ils arrêtent du jour au lendemain. Ça va probablement devenir des potato couch. Des couch potato. Alors, de ce côté-là, c'est sûr qu'ils restent actifs. Ils ont fait ça toute leur vie. Ça serait probablement malsain mentalement pour eux d'arrêter du jour au lendemain. Il va jouer au golf nautique ou je sais pas quoi. Avec ses pieds, vu que c'est des palmes. Il faut aussi parler de Bolt. Oui. Hey. Usain Bolt. Si un des gars qui a surpris aux Jeux olympiques, c'est clairement lui, mais aussi, comme on le disait, le Canadien André DeGrasse. C'est lui. Ou André DeGrasse. Ouais, qui faisait un petit... qui pointait l'autre comme genre, oui. « Ah, votre battement! » Mais non, en fait, il l'a pas pointé comme ça, parce que si tu connais bien l'histoire, en fait, il y a une très, très grande complicité avec le Canadien André DeGrasse. C'est deux excellents amis, là. C'est comme ils se sont déjà entraînés ensemble. Et ça a vraiment marqué les amateurs de sport, d'athlétisme qui étaient là, qui regardaient le spectacle, parce que c'est quelque chose qu'on voit pas nécessairement souvent aux Jeux olympiques. Là, on s'entend qu'il était vraiment heureux de terminer à côté de lui, entre première et deuxième position. Alors, de ce côté-là, c'est une des choses qui a vraiment marqué les Jeux olympiques de Rio 2016. Mais c'est fou comment les coureurs courent vraiment vite, mais aussi les gens qui font du saut en longueur. Là. Oui. Ça patauge ce soir-là. Ces pattes-là sont comme indépendantes complètement. Là. C'est fou, hein? Ouais. Ce sont. On dirait qu'il y a feu dans la chambre. Tout à fait. Il y a aussi quelque chose qui a marqué, qui a été un des moments forts des Jeux olympiques 2016, c'est les partisans qui sont peut-être un petit peu trop partisans. Ah oui? Si c'était été de ceux qui ont regardé beaucoup les plongeons du côté masculin, on avait des partisans mexicains qui étaient vraiment très, très, très, très... démonstrateur, ouais. Exactement, c'est ça. Démonstrateur, démonstratif. Démonstratif, oui. Ouais, démonstratif. Interdissation. C'est ça, interdissation. Et de ce côté-là, on a même averti à un certain point les Mexicains dans les estrades de faire beaucoup moins de bruit, parce qu'on entendait au plongeon un peu comment ça fonctionne. C'est un petit peu comme au tennis, c'est que entre chaque plongeon, t'as le droit de crier. OK. Puis, à un certain point aussi, ça peut encourager les juges à donner plus de points à celui qui vient de sauter, parce que, tout simplement... C'est des juges, ils n'ont pas droit aux reprises vidéo. Ils se basent sur le plongeon d'Atit Datsal. Alors, s'il y a beaucoup de gens qui crient automatiquement, peut-être que ça peut venir faire en sorte que les juges vont peut-être être moins difficiles dans leur J'aime pointage. J'aime pas ça, ce système-là, pas en tout. Est-ce que tu as entendu le commentaire d'une analyste de Radio-Canada qui disait genre... elle aurait eu un meilleur pointage si elle avait eu des bons pointages avant, genre... C'est comme... Oui. Hein? Oui. Ça n'a pas rapport. Genre, il aurait donné une meilleure cote si ses cotes d'avant si elle avait été parmi les premières. Si elle avait c'est eu, ça, exactement. Si elle était, genre, proche du sommet, elle aurait eu une meilleure cote puis elle aurait gagné. Ça n'a aucun sens. Ça se tient pas, ça. Non, c'est vrai. Puis le plongeon, c'est un des sports qui est quand même assez difficile à juger aux Jeux olympiques. Justement, même en écoutant une des analystes de Radio-Canada, qui est Annie Pelletier, j'ai trouvé qu'Annie Pelletier était très, très, très difficile. Puis elle vient de ce monde-là. Là. Elle a baigné là-dedans pendant plusieurs années. Et moi-même, je trouvais que ses notes étaient quand même très difficiles. C'est sûr que pour le commun des mortels qui regarde quelqu'un plonger, puis faire des vrilles, puis faire des carpés, puis tout ça, moi, je leur aurais tout donné des 10. Là. Mais lorsque tu connais ça, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile. Par contre, c'est vrai que le monde du plongeon s'est jugé bizarrement parce qu'on n'a pas nécessairement le droit aux reprises. Et si on avait le droit aux reprises, peut-être même que ça serait encore plus difficile et qu'on perdrait encore plus de points. Mmh. Exactement. Ça, puis la gymnastique, c'est deux des sports qui sont les plus jugés difficilement où c'est très, très facile de perdre des points. Alors, de ce côté-là, comme je disais, les partisans mexicains et certains autres partisans ont été trop partisans. Et à certains moments, on s'est fait avertir tout simplement de faire beaucoup moins de bruit dans les estrades. C'est quand même très, très drôle. Un autre moment fort des Jeux olympiques de Rio, c'est finalement le dopage puis les Russes. Bien évidemment, ça, c'est avant même que les Jeux olympiques commencent. Ça a été un scandale et ça l'a quand même amené des Canadiens à venir performer aux Olympiques. En remplacement de. En remplacement de, pas nécessairement en remplacement de, mais tout simplement parce qu'à cause du classement du début de l'année, parce qu'eux avaient tout simplement enlevé tous les classements généraux des Russes à ce moment-là, eh bien l'équipe canadienne qui était formée de Hugues Fournel et Ryan, je me souviens plus de son nom de famille, mais une équipe d'aviron en fait. On réussit à prendre part 3 semaines encore avant les Jeux olympiques. C'était borderline. Pareil comme au classement des médailles puis avec les bronzes qu'on a eu. Ils étaient juste sur le bord, puis en enlevant les Russes, ils ont monté juste une coche. Oui, puis si on se rappelle, il y a 3 semaines, moi, je les avais mis dans mes coups de cœur des gens qu'on devait vérifier, qu'on devait garder un œil dessus, parce que je connaissais Hugues Fournel, un de mes anciens collègues d'école. Et ils ont super bien performé. On s'est rendu jusqu'en finale. Les gars savaient même pas 2 à 3 semaines avant les Jeux olympiques qu'ils allaient aller performer. Donc, on s'entend que l'entraînement est pas nécessairement le même quand tu sais que tu y vas pas et quand tu sais déjà depuis un mois et demi que tu t'en vas aux Olympiques. Alors, de ce côté-là, des voir en finale, ça l'a surpris plusieurs personnes en partant. Et malheureusement, on n'a pas réussi à se rendre sur le podium. On a terminé 7e du côté du K2. Par contre, super belle performance en demi-finale. Eux avaient terminé 3e, donc c'est ce qui leur a permis de faire partie de la finale. J'ai comme l'impression que le départ avait peut-être été moins bien enclenché du côté du Canada que des autres avirons. Mais quand même, c'est deux athlètes sur qui on avait dit de devoir garder un œil et ils ont super bien performé. Alors, félicitations à ces athlètes-là. Ouais. Et bien évidemment, le mensonge de Ryan. Mais non, il a dit qu'il a surexagéré. Surexagéré, mais quand même, après tout ça, ça lui a fait perdre 3 commanditaires principales de sa carrière. C'est pas comme si ça me faisait pleurer ben. Moi non plus, mais on s'entend, ce matin, j'ai entendu une entrevue justement qui parlait de ce fameux mensonge-là et des répercussions que ça allait avoir sur sa carrière. Parce qu'on s'entend que quand que t'es un des nageurs et que tu perds la commandite de Speedo, il y a de bonnes chances que ta carrière aille pas ben plus loin. Pas mal sûr. En même temps, ce que j'ai entendu dans d'autres entrevues, c'est que Speedo, et peu importe, quand il s'engage à être commanditaire d'un athlète, c'est pas nécessairement pour toute la vie, ça peut être pour les Jeux olympiques, après ça, la commandite arrête. Oui. Donc, la commandite de Speedo aurait pu arrêter après les Olympiques parce qu'il est pas autant visible. Non, mais... mais ça a probablement... Par contre, tout dépendant de ce que tu as signé au départ avec le contrat de commandite, si on regarde Speedo, par exemple, avec Ryan Lutch, il restait un an et on lui avait aussi... on lui avait pas fourni, on lui avait plutôt dit qu'il allait avoir une bourse de 50 000 $ à la suite des Jeux olympiques si il performait vraiment bien. C'est ce qui était arrivé, mais on a décidé de retirer cette bourse-là. Et de le donner à des œuvres de bienfaisance. Et justement, exactement. Alors, de ce côté-là, on se rend compte un petit peu que le mensonge de Ryan Lutch a pas été de son côté trop. Mais si on regarde aussi, il y a Usain Bolt qui a fait parler de lui dernièrement dans les derniers jours avec certaines photos de lui qui sont sorties dans un lit accompagné d'une demoiselle qui n'est pas sa blonde. J'ai pas vu ça. Oui, et de ce côté-là, ça a été aussi discuté dans l'entrevue que j'écoutais ce matin. Et on dit que probablement que la marque de commerce de Usain Bolt va en prendre moins un coup que Ryan Lutch parce que c'est pas une question de mensonge. Ça arrive souvent à des athlètes que de faire dévoiler des photos d'eux accompagnées de d'autres filles qui sont pas nécessairement leur blonde. Tandis que Ryan Lutch, c'est vraiment quelque chose qui a été mis sur pied. C'est son idée. Et c'est lui qui a tout simplement décidé de mentir. Mais je pense qu'il voulait pas déplaire à sa mère ou quelque chose comme ça, genre, qu'il disait. Parce que ils ont comme fait du grabuge dans un dépanneur, je sais pas trop. Là. Mais ils ont dit qu'ils s'étaient fait arrêter, que ces gars-là avaient sorti un badge badges de policiers qui leur ont mis des armes, exactement, qu'ils ont mis par terre. Ils volent leur portefeuille, mais finalement, on voit une vidéo plus tard où ils ont encore leur portefeuille. Oui, c'est ça, ils font juste marcher sur le bord du dépanneur. Alors, bref. Il y a eu plusieurs demandes en mariage du côté de Rio 2016. Ah! Oui, les Jeux olympiques de Rio ont quand même été le théâtre de quelques demandes en mariage. Entre autres, une joueuse américano-brésilienne, Isadora Cerullo, qui s'est fiancée... Oui, qui s'est fiancée avec sa petite amie sur un terrain de rugby. Voilà, exact. Publié plus tôt cette semaine. Ça l'a fait le tour du monde. Puis, il y a aussi la plongeuse chinoise... Attention, je sors mon chinois. Hazy. OK. Hey. Breezy Beautiful Cover. C'est ça. Elle a eu toute une surprise en descendant du podium parce qu'une bague de mariage l'attendait accompagnée de sa médaille d'argent. Est-ce que genre comme... Son chum était là, pas celui-là. Tu sais, comme dans les films, tu mets la bague dans le fond genre d'une coupe de vin. Ouais, c'est ça. Tu mets au fond la piscine, trouve-la. Trouve-la, vas-y, plonge. Et un des autres moments forts, on en a discuté tout à l'heure, c'est l'eau verte de la piscine. Ben oui. Mais bon, hein, je veux pas. Il y a eu aussi une crise diplomatique Canada-États-Unis. Ah! Je sais pas si t'es au courant de ça. C'est une petite crise. Elle a pas fait trop d'éclaboussements dans les médias sociaux, mais quand même, on en a entendu parler. C'est en fait l'Américain et athlète Ashton Eaton qui s'est lui-même retrouvé malgré lui au milieu d'une crise controverse au Stade olympique de Rio parce qu'il a lui-même décidé de porter une casquette à l'effigie du Canada puisque sa blonde est canadienne. Ah! Et elle participait, oui, elle participait aux Jeux olympiques, s'en allait tout simplement cheer up pour sa blonde. Ça l'a déplu beaucoup à l'équipe américaine. Mais tu sais, pour vrai, les gens sont tellement froissés pour rien. Tu sais, l'autre, c'est Gabby Gifford. Non, Gabby quoi, déjà son nom, la fille en gymnastique, là. Gabby. Oui, mais celle-là, elle avait pas mis sa main sur son cœur pendant l'hymne national américain. Fait que là, ben, tout le monde s'est mis contre elle. C'était la star des Olympiques de Londres. Ouais. Tout le monde tripait sur elle. Là, cette année, il s'est rendu Simone Biles. Puis Gabby est partie parce qu'elle n'avait pas mis sa main... Gabby Douglas. Elle n'avait pas mis sa main sur son cœur pendant l'hymne national. Je veux dire, sérieusement. Ouais. Et, come on. Oui, tout à fait. Les gens capotent pour rien. Je sais. C'est fou, hein? Bref. Mais bon, on parle aussi d'une Acadienne en finale du 3000 mètres steeple, donc l'Acadienne Geneviève Lalonde qui a terminé quatrième sur sa vague de qualification et elle a elle-même établi un record canadien au 3000 mètres le 13 août au Stade olympique de Rio. Alors deux jours plus tard, c'était la fête nationale des Acadiens. Elle a été la première Canadienne de l'histoire à prendre part à la finale de l'épreuve. Elle a terminé 16e, mais c'est un des moments forts pour les athlètes canadiens du côté de Rio et dans les moments fort, tout simplement, des Jeux olympiques cette année. Et tout à l'heure, on discutait qu'est-ce qui arrive avec certains villages olympiques à la suite de ces Jeux-là, parce qu'on le sait, ça coûte très, très cher pour plusieurs pays. Ça détruit des quartiers aussi. Ça détruit des quartiers. Et bien souvent, on se demande qu'est-ce qui se passe avec ça. On le sait, ici, à Montréal, il y en a plusieurs qui ont été réutilisés, entre autres le stade. Il y en a d'autres qui sont tout simplement mis en condo. Il y en a qui sont réutilisés. Mais si on se promène un petit peu partout autour du monde, on se rend compte bien, bien rapidement que la plupart du temps, ça va tout simplement tomber désuet. Oui, ça va rester là, en ruine. Il y a malheureusement pas assez souvent d'athlètes qui vont devoir réutiliser cet endroit-là. Alors, de ce côté-là, c'est... Jamais autant, je veux dire, c'est des milliers de personnes dans l'assistance et dans les athlètes qui visitent ce stade-là. Alors que là, une fois que c'est fermé, que les Jeux sont finis, il reste quoi, des dizaines, des centaines d'athlètes. Mais si on regarde, par exemple, en 2012, les Jeux de Londres, ça avait quand même rapporté une économie de 12,9 billions. Milliards. Milliards, voilà. Mais ça avait quand même coûté 11,6 milliards à faire. Mmh. Alors, si on fait le calcul, c'est pas un si grand avantage que ça. Et malheureusement, mais ces installations-là vont pas nécessairement rester. Il y a à Sarajevo, lors des Jeux olympiques d'hiver, il y avait une rampe de bobsleigh qui était là. On n'a pas détruit la rampe de bobsleigh, on l'a tout simplement réutilisée. C'est maintenant rendu un skatepark. Ah. Bien souvent, c'est ce qui va arriver. On va soit faire des graffitis sur les installations des Jeux olympiques dans certains pays. Il y a d'autres places, par exemple, où que ça arrive souvent que c'est des installations de Jeux d'hiver, malheureusement, parce que parfois, ça arrive que ce sont dans des pays où il n'y a pas nécessairement de la neige à l'année longue. Alors, de ce côté-là, c'est plutôt difficile de réutiliser ces installations-là. On parle aussi de certains bassins, comme en canoë-kayak. Dans certains pays, c'est tout simplement rendu un terrain vide Il n'y a plus d'eau. C'est juste abandonné. C'est pas beau, hein. On, il n'y a absolument rien là. C'est même pas. C'est même pas réutilisable. C'est ça, exactement. Alors, de ce côté-là, c'est un petit peu plus difficile à prendre en considération, mettons. Et si on regarde, par exemple, les Jeux olympiques de Beijing en 2008, il y avait eu un stade fait pour le volleyball sur plage. Ah où? Les seuls bouts que j'ai regardés, en passant. Oui, c'est ça, j'en doute pas. Ce stade-là n'a jamais été réutilisé. Et si vous allez voir, je mettrai l'article sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Mais c'est maintenant rendu... Il y avait eu des gros graffiti dans le temps de Beijing, des Jeux olympiques qui avaient été faits, entre autres, pour le volleyball de plage. Les graffitis sont désuets. L'art qu'il y avait sur les murs est en train de tomber. On ne peut pas réutiliser ça présentement. C'est juste, ça reste là. Ça reste là, on ne détruit pas. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va réutiliser les installations. Donc, à un certain point, on perd de l'argent. Oui, parce qu'en tant que tel, faire détruire ça, ça coûterait de l'argent encore. Ben oui, tout à fait. Puis, c'est pas n'importe quelle installation qui peut être transformée en condo ou en maison ou en stade. T'sais, le stade olympique, oui, OK, c'est resté à Montréal, mais on avait quand même le bassin d'athlètes et de sportifs qui pouvaient l'utiliser. Il y a plusieurs organisations, entre autres, qui ont leur bureau au Stade olympique de Montréal, mais c'est pas vraiment la même chose partout dans le monde. Ouais, c'est bien dommage et on n'en parle pas ben dans les médias. On reste plus sur les côtés positifs des Jeux olympiques à Radio-Canada, mettons. Ouais, c'est vrai. Absolument. Qui sont les athlètes les plus médaillés au Canada durant les Jeux olympiques 2016? Eh bien évidemment, il y a Penny Oleskiak en natation qui a remporté 4 médailles. Du côté de la trampoline, je parlais tout à l'heure de celle qui avait vraiment beaucoup fait parler parce que c'est comme un... quelque chose de gros là, pour le Canada. C'est Rosanna McClellan. On parle aussi de André Degrasse, bien évidemment. Mm-hmm. Et ça, c'est dans les athlètes vraiment canadiens qui ont remporté le plus de médailles. Megan Benfetto qui en a ramassé 2. Taylor Rock en natation aussi. Et sinon, les athlètes canadiens ont ramassé tous une médaille. Voilà. Bon. Moi, ce que j'ai vraiment trouvé drôle à Radio-Canada, c'est... ils ont fait comme des green screen avec les athlètes, genre, qui sortaient en arrière des graphiques, genre. Ouais. Comme la Madame Marie-Josée, truc, qui était debout, puis là, l'autre... Ouais, la Madame la fille. Puis l'autre qui sortait en arrière, ça faisait vraiment peur. J'avais l'impression qu'elle sortait de sa cachette, genre. La première fois que j'ai vu ça, j'ai vraiment fait le saut, là. Oui. C'était bizarre, j'aime pas. Puis, est-ce que je suis la seule à trouver que Marie-Josée avait jamais l'air heureuse d'animer? Tu sais, ils sont... Je pense qu'ils ont réalisé, après 10, 12 jours, je sais pas trop quoi, qu'elle était pas confortable debout. Fait qu'ils lui ont mis une table devant elle, puis c'était beaucoup mieux. Oui. Parce qu'elle était comme, elle savait pas comment se placer pendant vrai, comme vraiment trop longtemps. Mais souvent derrière un pupitre, un maintenant, bureau, elle est derrière un pupitre, c'est ça exactement. Donc de ce côté-là, si au moins ça pouvait l'aider, mais j'ai vraiment trouvé qu'elle avait pas l'air d'aimer ses jeux. Ouais, je sais pas. J'étais comme bon, d'accord. Ouais. Bref. Voilà. Voilà, ben merci Tania. Hey, ça fait plaisir. Parler des Olympiques comme ça, de façon un petit peu alternative, j'ai bien aimé. On va entendre, tiens, justement, comme tu as fait tes prédictions la semaine passée par rapport aux Olympiques, que la plupart se sont avérées incorrectes, je te dirais. Moitié-moitié. Afenaf, correct, incorrect? Ouais. Tes prédictions? Ça a l'air qu'il y a eu beaucoup de coming out aussi durant les Jeux Olympiques de Rio. Colin, que ça prend pas grand-chose pour surprendre le monde, hein? Hein? Il y a une cinquantaine d'athlètes cette année qui ont revendiqué leur homosexualité aux Jeux Olympiques de Rio. Ben, ça fait cool. Ça, toi? Non, je sais pas ça. Cool. Je viens de l'apprendre, là. Ben, Colin. Bon, bref, je vais dire. Tant mieux. Que peut-être que tu devrais emprunter la prochaine fois la boule de cristal de Jay Arner. Ah, ben oui. J'aimerais faire ça. Crystal Ball! Comme on dit tout le temps à chaque fois, testicule de cristal. Jay Arner et Crystal Ball à Assemblage Requis. Au retour de la pause, ça va être une grosse pointe d'adresse. Ouh! Oui, et là, comme on fait depuis quelques semaines, on va se rafraîchir les idées un petit peu. Attaboy! Attaboy! Assemblage Requis. Vous êtes assez pour l'écouter. Pour l'écouter. 89. À Assemblage Requis pour la semaine du 22 août 2016. C'est Nathaniel Baudin. Avec Mathieu Blanc. Oui, celui qui se pète tout le temps quelque chose à quelque part. Je suis tout le temps en train de me péter ouais, le poignet. Je sais pas sûr si c'était ça qui est arrivé. Ouais, mon tatin. Bref, toujours à l'émission estivale en pièces détachées. Il nous reste un petit peu moins d'une heure ensemble, peut-être une cinquantaine de minutes. Et c'est juste assez de temps pour goûter à quelque chose qu'on s'est procuré. Mais avant de faire ça, Tania. Oui. Parlons d'un événement qui s'en vient. Oui, exactement. C'est un événement qui est présenté par le groupe d'ingénierie de Trois-Rivières de l'Université en collaboration avec la ville de Saint-Angèle, de Bécancour. Donc, c'est en collaboration avec la ville de Bécancour, S3 et Ingénierie de Trois-Rivières. On vous invite vendredi, le 26 août, dès 18h. Et sachez-le, l'entrée est gratuite. C'est ce vendredi-là. C'est au quai Saint-Angèle. Il va y avoir un immense chapiteau directement sur la quai de Saint-Angèle. Il va y avoir DJ sur place et vraiment de la bonne ambiance. Mmh. Pensez à arriver tôt parce qu'il y a une compétition de skate, des prix de présence, il va y avoir des Jeux olympiques, ingénierie Trois-Rivières. Je ne sais pas exactement à quoi est-ce que ça consiste, mais ça va quand même être là. Le dopage. Là, c'est... Oui, c'est ça. Il va y avoir aussi des prix Molson Coors aux participants, donc de l'alcool pas cher apparemment. Il va y avoir des restaurants aussi qui vont être là juste pour vous venir en grand nombre et faire de cet événement une tradition. Et sachez-le, ils ont une page pour l'événement, ça s'appelle Électro au fleuve. Donc, électre, apostrophe, eau, hein? Fleuve. Fleuve, OK. Tu veux nous partager sur la page? Oui, c'est ça, exactement. Je vais vous la partager, voilà. On n'est pas pour garder ça pour lui. Ça va être moins compliqué. Moi, Saint-Angèle, j'appelle ça Saint-Angeles. Oui, ben oui. La plus big. Ah, on va voir Saint-Angeles. Tout à fait. Bref, merci, Tania. Ça fait plaisir. Ben, c'est une bonne idée de marketing. Oui, ben oui. Il devrait s'ouvrir un casino à Saint-Angeles. Ben oui. En tout cas. Bref, je me comprends. C'est le moment de passer la chronique où on achète quelque chose dans le marché pour le goûter, hein? Oui! C'est comme, c'est tellement le fun de pouvoir goûter quelque chose de nouveau, se mettre ça dans la gueule. Alors, voici une grosse pointe Aldress! Une grosse pointe Aldress! Une grosse pointe Aldress! Une grosse pointe Aldress! Une grosse pointe Aldress! Une grosse pointe Aldress! Une grosse pointe Aldress! Une grosse pointe d'adresse, la colline dans laquelle on goûte un produit du tiroir. Donc, le produit acheté en dépanneur, en épicerie ou peu importe. Et c'est avec ça qu'on commence à chaque semaine directement sur le bar. Et j'ai le produit avec moi sous la table. Oh, sous la table. OK, on y est plus. Et c'est très, très lourd. Parce que j'ai pas pu l'acheter en un autre format. C'était seulement disponible comme ça. Pour faire la petite parenthèse... Il a acheté un baril, genre. Non, mais c'est un produit que ça fait vraiment littéralement à peu près un mois que je vois au magasin et que je me dis, il faut vraiment qu'on goûte à ça un jour. Oui. Mais là, on a eu Stéphanie Paradis qui a amené quelques produits. Moi, j'avais plusieurs produits que je voulais pas qu'ils passent date, tu sais. Et tout ça. Fait que je me suis dit qu'on allait se gâter vers la fin de l'été avec ça. Et je pense que la température est quand même appropriée pour ça. Donc, je te donne le sac. Il va falloir que tu sortes tes muscles un peu. Oh my god, attends, là, je vais y aller avec la main. Tu vas venir à pied? Viens à pied. OK, je vais y aller à pied. Tant que ça. Prends un petit voyage, road trip, paye-toi un taxi, viens chercher ça. Tap, tap, tap, tap, tap. C'est lourd, là. Hein? Oh, my God! My God! Hein? Es-tu sérieux? Tu trouves ça lourd? Non, pas vraiment. Mais par rapport à ce qu'on achète... Je pense que c'est une blague, là. C'est une blague. D'habitude, on achète genre un sac de chips ou une barre de chocolat. C'est plus lourd que d'habitude, mais bon. On s'entend que c'est consistant comme produit. C'est une caisse, clairement, je pense. Peux-tu l'enlever dans le sac? Est-ce que tu me donnes la permission de regarder ce que c'est? Oui, je te donne la permission. Et le sac de plastique ne fait pas partie de l'emballage. Oh my God! Oh my God! Tout le monde est excité. On sur le studio. Ça va être bon! Ah! OK,

Parce que le goût de la bière reste vraiment... Moi, j'aurais préféré que le goût de pamplemousse reste dans ma bouche, mais la bière reste là. Puis on dirait que le goût de la bière, je le garde pendant genre des heures après. Là. J'ai comme une haleine de bière. Puis... De la Choc Top mélangée avec de la Old Garden. Wow, tu connais vraiment ça, hein? Mais ça goûte vraiment. T'as de la bière blanche mélangée avec. Mais toi, t'as des marques, t'as les sortes, t'as les choc. Ouais, mais de la Choc Top, c'est déjà à l'agrumes, c'est déjà à l'orange. Oui, c'est vrai, t'as raison. Puis la Old Garden, c'est déjà un petit peu plus agrumes aussi. Je comprends, oui, ça goûte en effet la Old Garden, mais quand t'en parles, j'ai commandé une Old Garden l'autre jour, oui, ça goûte ça. Et voilà. T'as raison. Une fois que je sais de quoi tu parles, t'as bien raison. Mais on est loin de la moufette de la Heineken. La moufette. Mais tu vois, j'haïs pas ça. J'haïs pas ça de pente. C'est pas mauvais, mais je... Mais je me saoulerais pas à ça, là. C'est beaucoup en même temps. Tu sais, mettons, t'as un feu ou un barbecue avec certains amis, tu t'en amènes deux. Mm-hmm. Après ça, bois de la bière normale. Ouais. Je pense que mon problème, c'est vraiment que j'aime de moins en moins la bière avec le temps. Et moi avec. Ouais. Ouais, pas sûr. Mais c'est pas mauvais, l'idée est bonne, l'exécution est pas super. Pour ceux qui aiment la bière, c'est quand même bon. C'est vraiment, ça le dit, là, même sur la canette, bière légère, aromatisée. C'est encore pire que de la bière normale. Mais on dirait, je sais pas. Tu sais, je rote là, puis je le sens, le pamplemousse. Mais en tant que tel... Ouais, c'est ça l'affaire, c'est que j'ai l'impression qu'après une, t'as plus le goût de goûter le pamplemousse. Non. Fait que tu sais, tu t'en tiens à une ou deux. Tout à fait. Bien d'accord avec toi. C'est fait peut-être plus pour partager que d'autres choses. Mm. Donc, la Rickers Rattler au pamplemousse. Moi, personnellement, je vais mettre mon pouce en... bas. En bas? Dans le côté. Sur le côté. Moi, je vais le mettre en haut. Mais tu sais quoi? Je serais du genre à la faire refroidir vraiment très, très longtemps au congélateur, peut-être? Peut-être pas au congélateur. Même pas... glace. Pas prête à mettre de la glace directement dedans parce qu'on s'entend, c'est de la bière. Mais être certaine que ça ait passé minimum 3 heures dans le frigo avant. Maintenant que j'y pense, la chaude dépanneur n'était pas réfrigérée. En plus, j'avais oublié ça. J'avais oublié ça. Parce qu'en tant que tel, elle est quand même un petit peu froidesque. Ouais. Mais elle était vraiment à température pièce au dépanneur. Bref, pouce sur le côté pour moi, pouce en haut pour toi. Donc, Rickard's Radler, pamplemousse rose. Moi, j'ai la chaude dépanneur, donc vous allez en trouver facilement. J'imagine que c'est du Rickard's, donc ils ont un bon réseau de distribution. Parlons de nouvelles de fast-food maintenant. T'as sûrement entendu, t'as sûrement vu sur Facebook. En fait, Stéphanie Paradis m'a tagué là-dessus la chaîne Dick's Pizza, le restaurant de pizza Dick's Pizza. Oui, c'est... Ce qui était finalement une campagne publicitaire. Ah oui? Ah oui, donc c'était SiriusXM qui s'est gâté avec une campagne où toutes les blagues de pénis se sont permises. C'est signé Taxi Toronto. La première publicité est un spot faisant la promotion d'une fausse pizzeria, donc Dick's Pizza. Sans surprise, les blagues faisant allusion au nom du resto et à ce qu'il évoque de l'anatomie masculine fusent à profusion pendant une minute. Une initiative qui vise à faire la promotion du concours organisé par le service de radio satellite SiriusXM. Ça s'appelle Top Comic. C'est un concours incitant les gens à voter pour leur humoriste préféré. Le concept étant qu'un humoriste est sans doute mieux de demeurer humoriste et que de s'ouvrir une pizzeria, même mais que s'il devait le faire, ce serait avec une bonne dose d'humour. Une campagne s'inscrit dans la ligne de la campagne précédente qui avait pour thème aider un humoriste à le rester et dont les affiches montraient les résultats catastrophiques de leur intégration à d'autres corps de métier. Par exemple, tonte d'animaux. C'est la seule image que sur l'article. Okay. On a écouté la pub de Dick's Pizza. Qui dit coming soon. Dick's Pizza. Pizza chez Dick. Tu n'as pas mangé de pizza avant de remanger du pénis. Hey, ici, pénis. Lucky for everybody. Heureusement pour tout le monde. Pizza isn't real. Dick's Pizza n'existe pas. Frère. But it's what a comedian might Mais do c'est ce que l'humoriste pourrait faire s'il devait trouver un travail différent. Ils peuvent trouver de la comédie dans tout. Ici, chez SiriusXM Top Comic, nous donnons aux humoristes de partout au pays la scène parfaite pour leur talent. C'est littéralement une scène. Vous pouvez soutenir notre bande d'humoristes préférés en cliquant ici. Donc aidez-moi à aider les humoristes à ne pas devenir restaurant de pizza. C'est vrai ce que ça dit. Là, tu vois l'humoriste qui est en train de taper sur sa pâte. C'est terrible. C'est vrai, c'est pas très drôle, je trouve. C'est une des pires annonces que j'ai entendues. Non seulement c'est pas bon, mais en plus, le concept de Dick's Pizza, en tant que tel, aurait pu être étiré comme de la pâte beaucoup plus longtemps au début de l'annonce, là. Oui. Parce qu'il dit, t'as pas mangé de pizza, va manger Dick's, va manger un pénis, mais c'est la seule joke qu'ils font. Ouais. Il y en a tellement d'autres qui auraient pu faire, genre, ball avec la pâte ou. Ouais, mais c'est parce que toi, t'es vraiment bon dans l'art de faire des jokes. Ouais, mais là, genre, des salami tranchées, t'as. Ah, pourquoi tu dis ça? Mais c'est méchant. Il y a plein de blagues à faire avec une pizza et un pénis. Je suis désolé, mais c'est vraiment le cas. C'est comme une calzone. C'est comme une calzone, exactement, tout à fait. Ah, t'es pas si pire que ça, finalement. Mm-hmm. Hey, je déteins un peu, je pense. C'est juste que je m'abstiens de les faire en ondes. Mais Tania, je sais pas, on t'a pas appris ça à l'école de radio, hein? Mais... faire des jokes de fesses à la radio, non, vraiment. Mais que en humour ou en show, pour être divertissant et drôle, il faut que tu sortes la première affaire qui te sort de la tête. Même si c'est pas drôle, faut non, que ça tu vois, ils nous apprennent à réfléchir avant de parler devant le micro. Ils savent pas, ce qu'ils font. Je me verrais bien dire à TSN plein de niaiseries de même. Non, mais là, ça dépend du domaine. On n'anime pas à Rouge FM en ce moment. Non, là, c'est ça. Est-ce que t'as écouté l'émission du retour? Ah non, Marina Orsini, elle serait pas non, contente. Non, attends, Marina Orsini est partie. C'est rendu la fille de TVA depuis le matin. Puis laquelle, ben, la fille blonde. La femme de Mario Dumont? Je pense que oui. Ou l'autre, là... Qui avait fait un accident de voiture il y a quelques années. Non, non, non, l'autre. Je pense que c'est la femme de Mario Dumont. Okay. Peu importe, là, mais c'est elle qui est rendue avec deux autres filles à l'émission du retour. Puis ça arrête pas de rire, mais c'est comme un rire gossant, genre. Mais pendant deux heures, c'est mais clair. Pourquoi est-ce que tu t'entêtes à écouter cette radio si tu n'aimes pas les animatrices? Ça jouait à la buanderie! Ah voilà, c'est de la faute de la buanderie. Tout est toujours la faute de la buanderie. Tout le temps. Je parlais donc de nouvelles de fast-food. On est rendu à des gâteaux qui ressemblent vraiment à des bouteilles de boissons gazeuses. Si tu vois la photo, tu penses probablement que c'est des bouteilles c'est de gâteaux. Ce sont des gâteaux. Ah! Oui, les Soda Bottle Cakes, fabriqués par un pâtissier australien, Andres Fazzo. André Legros, on l'appelle. ouais, bref, les étiquettes sont de vraies étiquettes de bouteilles de liqueur. Ok, faites attention. Mais les bouteilles en tant que telles sont complètement mangeables. J'imagine que tu pourrais manger aussi l'étiquette pour ceux qui aiment manger du plastique, tu sais, genre à mon étrange dépendance, ça pourrait arriver. Mais j'imagine que ça goûte au moins la saveur, j'espère. J'ose espérer que le gâteau au Coke goûte le Coke, Fanta à l'orange mais ou Fanta à l'orange. Mais je pense qu'en fait, que le gâteau au Coke est au Nutella. Ah, ben ça se pourrait. Le Sprite est au matcha vert. Et le orange semble être au Reese. Ben oui, toi. T'as des photos en dessous, ben de plus, ben oui. T'as bien raison. Mais je trouve que c'est raté, par contre, ça aurait plus dû goûter l'orange, le gâteau à l'orange, en tant que tel. Je comprends ouais, pas. Ouais, je sais. Le crush, mettons. T'sais, pis le 7-Up, le matcha pour le 7-Up, ça fonctionne, je trouve. Ou il aurait pu faire à la lime. Ou il aurait pu aussi le faire à la lime. Donc, j'aime l'idée, j'aime l'exécution, c'est beau, mais le goût, je comprends pas pourquoi c'est au Reese pour une liqueur à l'orange. Mais ça, c'est juste moi. Mais parce que c'est brun et orange. Oh! Oh, burn! OK, là, ça, c'est une longue liste. On va la faire parce que ça m'intrigue. Je veux savoir. J'ai pas cliqué sur le bouton suivant. Tu sais, sur Internet, quand tu cliques sur un article, puis c'est à la place, mettons, ça dit, bon, top 15 des hacks oui. de Oreo qui te manquent dans ta vie. Mais chaque hack est sur sa propre page. Je sais, ça m'énerve tellement. Ça m'énerve, puis je veux pas encourager ces sites-là, mais ça m'intrigue vraiment beaucoup. Donc, commençons par la photo 1 des hacks d'Oreo. C'est de mettre, pour commencer, bon, on peut faire facilement cette confection-là en faisant des cubes de glace qui vont goûter l'Oreo. Hein? OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce que ça le dit? Oui. Ça dit pas les instructions, hein? Ben, j'imagine que tu mets du lait, par ouais. après, t'égratignes bon, des Oreos, puis t'es mets dedans. Ouais, absolument. Bref, il y a un petit didacticiel pour le faire vous-même, donc faire des glaces aux Oreos. Ensuite, est-ce que vous aimeriez avoir des biscuits Oreos concassés comme du poivre? Vous pouvez prendre... Comme sur ta crème glacée, comme maintenant. Sur ta crème glacée, exactement, ou sur tes céréales, n'importe quoi, sur ton café même. Donc, tu prends une moulinette à poivre, tu la vides, tu mets des biscuits d'Oreo dedans en petits morceaux, et puis tu peux facilement les grincer sur... Mais n'oublie pas d'enlever la crème, là, sinon ça reste poigné dans le moulinet. Là. Absolument. Et faites une blague aussi aux gens qui mangent du spaghetti chez vous, de la sauce Alfredo. Voulez-vous un petit peu de poivre? Ça goûte les Oreos. Ensuite, des pops aux Oreos. En deux ingrédients, facile, super simple. C'est une petite vidéo qui vous montre comment faire. C'est sur assemblagerequis.com, mais pour faire des pops qui vont être vraiment sur un bâton. Et vous allez pouvoir après ça enlever le verre qui contient le pops et puis manger ça dans votre bouche. Ah ouais, c'est merveilleux. Ensuite, c'est des croustilles Oreo tortilla avec une salsa aux fraises. C'est un chef de Los Angeles, Michael Voltaggio, qui a inventé cette recette-là. Donc, c'est... farine, eau et on passe ça au four et on sert ça avec du sucre en poudre et de la salsa aux fraises qui contient fraises, jus de lime, menthe et sucre. La recette est dans l'article pour faire vraiment des chips ou Oreo, c'est cool. La vidéo est longue en plus. Là. Ouais, c'est ça. J'ai hésité à le faire, mais juste pour que vous ayez la référence pour aller voir ça. Ensuite, des rôtis Oreo. Qui n'aimerait pas avoir des Oreo pour déjeuner? C'est une vidéo genre qui montre... Genre des toasts? Ben, c'est ce que j'en comprends. Donc, c'est comme une genre de boîte d'Oreo qu'on peut tartiner sur les rôtis. Une boîte d'Oreo. Ben, ça ressemble à de la boîte. Ah, ouais. Mais tu viens comme un petit peu comme de la tartinade au Reese ou, ah, ou de la Nutella. Ah, ouais, OK. Ça pourrait être très, très bon, ça. Ensuite, des Oreos frits. C'est un des classiques dans les foires, les expos, genre, aux États-Unis. On peut se faire frire un Oreo. Donc, je vois, la recette est sur le site. Ah, ouais. Je sais pas si c'est bon, hein. Ça doit être... vraiment huileux. Moi, je me le demande. Ah, tiens, les cubes de glace, on l'a ici, OK, parce que c'est un top 15, mais le numéro 1, c'est la photo des cubes de glace. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on décrapoutit des Oreos, on remplit le bac à glace de lait, et ça fait des cubes de glace aux Oreos. Voilà. C'est exactement ce que tu avais dit. Parfait pour un verre de lait froid ou de café glacé. Ouais. Gigantesque Oreo, si vous voulez vous faire des gros Oreos. C'est un paquet au complet d'Oreos qui est utilisé pour faire ça. C'est ce que j'en comprends. Ouais. La seule chose qui est meilleure que manger un paquet d'Oreos complet, de manger un seul gigantesque Oreo. Ça me rappelle les gros Reese. Ils faisaient des gros Reese qui ressemblaient vraiment comme à une tarte. J'ai pas réussi à le finir, c'était trop gros. Ah. Faut être une gang pour manger ça, je pense. Ensuite, Party Dunk. Ah, ça, c'est vraiment cool. C'est de prendre un emballage d'Oreos, manger la rangée du milieu. Ouais. Et après ça, quand tu restes juste la rangée du bord, des deux bords, verser du lait dans le milieu. Ah, faut juste s'assurer qu'il n'y a pas de trou. C'est ça. Et tu peux faire comme du plongeon, tu peux faire de la nage synchronisée. Synchronisée. C'est parfait. Pas besoin de verre parce qu'on trempe directement dans l'emballage. Ensuite, des beignes aux Oreos. Ah, c'est pas juste des beignes au chocolat avec des Oreos sur le dessus. Les beignes eux-mêmes sont chargés de sirop de chocolat fait avec du lait Oreo. C'est la même fille qui faisait le gros Oreo tantôt. Un petit coulis de lait Oreo et des Oreos plantés dans le beignes sur le dessus. Des morceaux d'Oreo. Ça a l'air vraiment décadent. Ensuite, du popcorn aux Oreos. Ah ouais, s'il n'y a pas de détails dans l'article, il faudrait absolument regarder la vidéo. Où est le mute là-dessus, ici? Donc, on défait les Oreos, on les sépare de la crème, on vient comme passer le rouleau à pâte sur les biscuits et on verse tout ça sur le popcorn. Il a pas mis les crèmes, par contre, il fait juste mettre les bouts d'Oreo dans son popcorn et le brasse. Et shake, puis tu sais, ça fait comme si ton popcorn avait brûlé, là. Ouais, c'est genre vraiment la même couleur. Mais peut-être que tu pourrais prendre les blancs et puis les mettre dans un autre petit bol, puis aussi les piler. Ou faire, les faire fondre, ah! Prendre ton popcorn. Ah, le outrage, ok, outrage, ça va trop loin, mais j'adore ça. Faire fondre la crème d'Oreo. C'est pas si je serais game de le faire, moi, par exemple. Ben là, pourquoi pas l'essayer ce soir? Non, mais tu peux faire fondre la crème Oreo puis tremper tes Oreos dedans. C'est malade, ça. Je capote. Des truffes aux Oreos, ça a l'air super fancy. Tu sais ce que c'est, des truffes? C'est comme un genre un petit peu sableux, si on veut. Moi, j'aime pas tellement ça. Je trouve que ça goûte pas si bon que ça. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé. Donc, transformez vos biscuits en gâterie couverte de chocolat super décadente lors de party. Donc, allez voir ça. C'est vraiment juste de la petite poussière de biscuits devient comment dire, ce qui est autour de la truffe. Une truffe. T'as le Oreo Joe. Si le mocha est votre boisson au café préféré, votre vie va changer pour toujours avec cette version avec infusion de Oreo. Donc, Oreo Joe, on prend un bol, on met des biscuits, on met du lait, on verse on fait du lait au chocolat, on fait quoi? On le brasse. On fait chauffer. On fait l'espresso, puis c'est comme des Oreos dans un espresso. Ah, je comprends. Ça a l'air très bon. Il y en a plusieurs qui se ressemblent là-dedans. Les Oreo Churros. On a déjà parlé des churros, c'est comme une genre de pâtisserie faite sur le long, comme un bâton. Il y en a qui sont disponibles dans la section congélateur de votre épicerie préférée, mais vous pouvez aussi en faire une version vous-même. Pas nécessairement en forme de bâton, ça peut être aussi torsadé pour faire une genre de brioche. C'est ce qui est le cas sur la photo. Encore la même fille. Oui, ben, je pense que c'est pas mal tout le temps la même personne à date. Le four-cack, celui-là, on a déjà parlé de ça dans les instructions d'assemblage, mais pour ceux qui préfèrent manger leur biscuit Oreo sans se tremper les doigts dans le lait, c'est de planter ta fourchette dans la crème et tremper dans le verre. Ça, c'est assez simple. Et le dernier, c'est les Smoreos. La seule façon d'améliorer des S'mores et d'améliorer des Oreos, c'est de faire des Smoreos. On a ici donc un biscuit Oreo, je crois, qui est au biscuit au gâteau d'anniversaire. Ils ont rajouté un guimauve dans le milieu et une tranche de chocolat. Tu sais, le chocolat au... c'est quoi? C'est Dairy Milk? Qui fait ça, c'est du chocolat chocolat blanc avec des morceaux d'Oreo dedans. C'est comme Cookies and Cream. Oui, je pense que oui. Fait qu'il y a des carrés de Cookies and Cream dans l'Oreo avec un guimauve et avec... le gâteau de fête. Tu vois, si tu veux gagner mon cœur, tu me fais des s'mores. Ah ouais, hein? Bon, ouais. C'est noté. On continue avec un petit bloc spécial sur les produits à la citrouille, parce que le mois d'octobre s'en vient. On a déjà commencé à sortir. Oui, je sais, ça s'en vient pas du tout. C'est dans un mois et demi, genre, Halloween. C'est dans 2 mois, Halloween. 2 mois et une semaine environ. Mmh. Mais bon, les produits à la citrouille épicée viennent d'arriver. On parle entre autres des Pumpkin Spice Crunch Special K. C'est donc des Special K. Je suis vraiment pas certaine de ça. Ça a l'air bon. Riz croustillant, flocons d'avoine, noix de muscade. C'est ça, nutmeg? Noix de muscade? Muscade, quelque chose? Du allspice, donc le désodorisant. Mm-hmm. du gingembre et des morceaux de cannelle. Ah! C'est ce qu'il y a à l'intérieur de ces Special K aussi à la citrouille épicée. Ben, je serais curieuse d'y goûter, mais je suis pas certaine que tu prends comme 4 bols. Genre, hein? Genre. Ça doit taper sur le cœur maintenant. Tout à fait. C'est comme les drinks de Starbucks, ça. Ouais, Mais ça, une fois ou deux par année, j'aime toujours aller me prendre un petit... Mais là, je pourrais plus parce qu'il n'y a plus de Target, hein? Je sais, quelle tristesse. Sauf deux articles, je pense que je ne les ai pas mis avec les autres sans faire exprès, mais deux articles plus loin, il y a la saison de la citrouille épicée qui s'en vient chez Dunkin' Donuts. Déjà? Oui, absolument. Donc, si vous vivez près de New York en ce moment, vous pouvez avoir votre citrouille épicée dans les restaurants participants. Il y a entre autres le café, le latte, le macchiato, les muffins, beng et trou de beng à la citrouille épicée en ce moment chez Dunkin. Ils vendent aussi leur traditionnel caramel salé en ce moment. Donc, sucré salé qu'on peut ajouter dans du café, latte, macchiato pour un temps limité cet automne. Voilà. Ensuite, ben, Colin, je pense que je les ai pas mis dans l'ordre. Donc, retournons où on était rendu. J'étais sûr que j'avais fait un bloc thématique. Cape Cod Americana Barbecue Slow Smoke Potato Chips. Donc, des croustilles cuites lentement au barbecue Americana. Pourquoi est-ce que le barbecue Americana serait différent des autres sortes de barbecue? On sait pas. Ça me surprend un peu. Ça dit donc saveur de barbecue fumé, sucré et relevé avec des tons de fumée et un croquant puissant. Ah! Cape Cod. Miam! Tiens, un conseil sur popsugar.com qui nous dit pourquoi vous devriez mettre du sel sur votre melon d'eau. T'es-tu sérieux? Ouais, apparemment que ça change complètement le goût parce que tu sais que le sel fait juste ressortir le goût de ce qu'il y a en dessous. Ouais, mais ça doit pas être bon, hein? Ben, ça goûte pas le sel, ça fait juste ressortir la saveur. Ça a l'air bizarre, mais c'est comme ça. Vous avez peut-être goûté déjà à une margarita au melon d'eau avec le sel sur le bord du verre. Non, moi, là, mes verres, mets-moi pas du sel sur le bord. Non. Donc, le sel améliore la qualité, la saveur du fruit, ajoute un contraste au sucré et ça fait aussi que le fruit va avoir l'air encore plus juteux dans ta bouche. Comme bonus, le sel qu'on ajoute aide à te rafraîchir plus, donc à soulager ta soif lorsqu'il fait très très chaud. Apparemment, c'est la chose à faire, donc mettre du sel. Il faut utiliser du sel normal, cachère ou encore sel de table. Vous pouvez expérimenter aussi avec des sels avec de la saveur, comme il y a du sel à la saveur de fumée qui peut fonctionner bien avec ça. Sinon, vous pouvez essayer les flocons de sel pour un petit crunch de plus. C'est du sel qu'on peut cruncher dans la... en tout tes dents. Non. Moi, je suis pas très sel. Non? Je suis pas très... Ouais, non. T'es à sel, mais pas à sel. Pas à sel. Je sais pas. Ça veut rien dire. Ensuite... des fois quand une blague veut rien dire. Ouais, on parlait d'Oreo tantôt. Oui. Good Humor aux États-Unis sort un cornet au Oreo. OK. Qui est vraiment très très bon et c'est pas une saveur limitée, c'est une saveur permanente. Donc ça c'est aux États-Unis. Je pense qu'on a aussi c'est un chez peu. Chez Toys R Us. Oui, c'est oui, pourquoi? C'est vraiment la place la plus bizarre. J'ai jamais vu de cornet ça. Chez Toys R Us. Moi non bon. Plus. Bref. Ça existe. Ensuite, les produits pommes caramel sont de nouveau à la mode. C'est apparemment la nouvelle chose, la tendance en ce moment. Il y a des pommes partout présentement. Ouais, là. C'est la saison. Et je redoute pour ma vie. Ouais, j'avoue, parce que t'es allergique aux pommes, puis il y en a vraiment dans tout. As-tu vu qu'ils ont fermé leur kiosque de fraises au dépanneur à côté? Non, j'ai pas vu. Mais j'ai... Parlant de pommes, là, je suis montée à Québec voir de la famille en fin de semaine, puis je suis arrêtée. Ta famille, c'est des pommes. Non. Je suis arrêtée à Donnacona me ramasser une barre tendre pour manger, puis c'est une barre tendre aux bananes, OK? Hein? Mais j'ai eu une réaction allergique, puis d'après moi, il y avait comme de la purée de pommes là-dedans. Ouais, c'est souvent ça, parce que je pense que ça coûte moins cher. Probablement. Comme un petit peu, ils ont moins à utiliser de bananes pour faire leur mélange. Bref, nouveau favori en ville pour cet automne, c'est la pomme caramel. On va voir donc une abondance, comme toujours, de produits à la citrouille épicée, mais aussi pomme caramel, plus qu'avant. J'adore cette saveur-là, c'est probablement une de mes combinaisons préférées. T'sais, j'aime beaucoup fraise-banane, j'aime beaucoup fraise-kiwi, mais rien ne bat pomme caramel. Chez Timo, mon beigne préféré, c'est le beigne pomme caramel. Instantanément, c'est tout le temps celui-là que je prends. Sauf quand j'ai envie de varier, mais je l'adore. Excellente combinaison, donc allez voir sur assemblagerequis.com. Il y a comme un petit palmarès, là. Il y a les peeps, les petits poussins en guimauve aux pommes caramel. Il y a le yogourt grec chobani aux pommes caramel. Et il y a les Mike and Ike aux pommes caramel qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Ensuite, c'est un magasin pop-up, tu sais, des magasins temporaires qui ouvrent. Donc ici, c'est un magasin pop-up IKEA qui sert un déjeuner au lit aux londoniens chanceux. Ah, c'est merveilleux. Pour vous rapprocher un petit peu de leurs produits de chambre à coucher. Donc, le mois dernier, IKEA a lancé son service d'enregistrement de cadeaux pour les mariages. C'est le Wedding Registry qu'on appelle. Mm-hmm. Et maintenant, ben, ils offrent quasiment un ensemble lune de miel complet avec leur cascade publicitaire déjeuner au lit pour les invités de leur restaurant temporaire. Donc, le magasin de meubles fait la promotion de ses lits avec le IKEA Breakfast in Bed Café qui va opérer à Londres. C'est déjà passé. Donc, les réservations étaient disponibles entre 7h et 11h du matin et entre midi et 14h pour les lèvres tard. Le menu est un mélange de déjeuner classique scandinave. C'est pas marqué ce que ça inclut dans l'article, malheureusement. L'équipe de IKEA change les draps entre chaque fois Évidemment, donc il y a, ben, il y aura pas de microbes. Ah non, c'est des ça, puis Ikea, ils vendent des oreillers, fait que... Ouais, tu sais. Bref, les invités ont une sélection d'oreillers parmi lesquels choisir, mais ils doivent payer pour la nourriture. OK. C'est bizarre, par contre, pour mais faire la promotion. Mais c'est un restaurant, j'imagine. Ouais, c'est un restaurant, mais en même temps, c'est pour la promotion de tes lits, puis tu veux que les gens achètent un lit dans l'heure de déjeuner, non? En espérant qu'ils achètent un lit. Ouais, mais s'ils viennent déjeuner, ils payent. Ouais. Ils vont peut-être se rappeler de l'expérience. Peut-être, très bien. Il n'y a pas de lits simples non plus, c'est seulement des lits doubles. Donc, correct, seulement pour les couples ou pour les gens qui prennent de la place quand ils dorment. on parle souvent d'emballage, bon, de vodka, il y avait du beef jerky, des jouets pour chiens que tu commandes, puis qu'il y en a un par mois ou quatre oui, par année. Oui, bon, oui. Des services par abonnement. Je suis tombé là-dessus sur Facebook par hasard total. T-Taxi, les T-Taxi qui font de la livraison de thé par mois. Donc, ça s'appelle l'enveloppe Génération T. Je suis triste qu'il n'y ait pas de jeu de mots. J'ai rappelé ça genre T à volonté. Ah, oh, T à volonté. Mais pas vrai, forcez-vous un minuscule. Mais il y en a plein comme ça, là. Il y a des tasses là, où c'est marqué T'es belle comme T. Mais là, au moins, tu sais, au moins ils sont un peu forcés. Ouais. Bref, découvrez un monde de saveurs d'une façon originale chaque mois. 10 nouvelles saveurs par mois pour aussi peu que 7,45$ par mois. C'est 120 saveurs différentes qu'ils vont faire découvrir en une année sur ttaxi.com. Date limite d'abonnement pour recevoir le mois de septembre, c'est le 28 août, donc vous avez encore le temps pour recevoir l'enveloppe du mois de septembre. 10 nouvelles saveurs de thé par mois. C'est quand même assez intéressant, puis Colin, c'était sûr que tu passeras pas date. C'est pas comme quand tu vas chez un autre magasin de thé où ils te le servent par gros pots. J'en bois pas assez pour le finir, puis je sais que ça dure super longtemps, mais je suis un petit peu mentalement... j'ai de la misère à boire ça dans 3 mois du thé. Ah oui? J'ai de la misère mentalement. Ah. Je suis bizarre, là, même. Parlant de sauce par abonnement... Parlant d'abonnement, on parle de sauce piquante par abonnement pour donner à votre plat un petit kick de plus. Les meilleures sauces, on dit craft, donc de micro... comment est-ce qu'on pourrait dire? Micro-producteur, si ouais, on veut. Ouais. Donc, chaque fois, vous allez recevoir une boîte remplie de feu fouet avec certaines des meilleures sauces piquantes, dynamiques, connues par l'homme. Donc, on envoie toutes sortes de sauces, là, de différents piments. T'as même un sel. Laguna Salt Company, t'as du miel piquant. Ah, ouais. T'as de l'huile piquante pour une salade ou des trucs comme ça, faire de la cuisson. Donc, du miel chaud. Du miel chaud piquant. Ou piquant. Non, piquant. Piquant. Ça va être vraiment bon, je pense. $30 américains pour cette boîte Hot Sauce Subscription Box. C'est la Fuego Box, donc fuegobox.co. Ensuite, Randy Riddle n'a plus le droit de commander de la pizza. Pourquoi? Un homme accusé de harcèlement auprès de divers restaurants floridiens n'a plus le droit de commander de la pizza par téléphone. Randy Riddle, comme je l'appelle, Randy Devinette, 49 ans, a passé de nombreuses commandes téléphoniques pour de la pizza dans la ville de Sebastian, en Floride, du 30 mai au 18 juin dernier. Sur cette période de 3 semaines, le Floridien a soit refusé de payer pour ses commandes, soit fourni de fausses adresses aux livreurs ou a appelé les pizzerias dans l'unique but de leur dire que leur nourriture était dégueulasse, selon le magazine Time. OK. D'après le TC Palm, Devinette s'est servi de 5 numéros de téléphone différents pour faire ses canulars téléphoniques à la Bart Simpson. Il refusait de s'identifier auprès des personnes à l'autre bout du fil ou leur laisser tout simplement un faux nom. C'est vraiment pareil comme Bart. Mais oui. Une des pizzerias concernées affirme que Riddle leur aurait provoqué des pertes d'au moins $667. Et... les autorités locales ont confié au TC Palm que l'homme avait déjà été reconnu coupable d'un crime semblable il y a 8 ans lorsqu'il habitait à Vero Beach, aussi en Floride. Le gars a un problème mental. Ouais, clairement. C'est clair, là. Il y a de quoi contre les pizzerias, là. Tu sais, quand ça t'amuse de faire des coups de téléphone, là, c'est quoi? Tu te prends-tu pour les grandes fucking gueules, sérieux? Je sais pas, hein. Je m'excuse, mais je trouve vraiment pas ça drôle. Ensuite, une autre chose qu'on peut se commander à la maison, Tania, des guimauves gourmets vanille caramel. Ah, ça a vraiment l'air cochon. Ah, mais pour vrai, le coulis de caramel par terre sur leur planche... Mais déjà, toi, en partant, t'es un vendu caramel. Caramel, je capote, bien raide. Bien raide. Bien raide. Sachez-le, les filles, bien raide. Oui, bien raide. Je sais pas ce que vous allez faire avec ça, là. Qu'on doit en savoir de caramel, je sais pas. En tout cas, bref. Ouais, t'approuves? Non. Non? Mais je serais pas tant sur le caramel. Ouais. Donc, c'est absolument délicieux, disent-ils. Fluffy, savoureux, fait à la main. Ça vient avec un ruban de Dolce de Leche. $14 sur assemblagerequis.com. C'est une boutique Etsy. Donc, on va aller voir. Etsy Radio-Canada. Est-ce que c'est super au Canada? Je sais pas au Canada. $13.25 canadiens, c'est en tout cas on sait. Expédition uniquement vers les États-Unis, mais écrivez-lui en privé. Souvent, on peut écrire à la personne comme sur eBay et dire si, mettons, je suis au Canada, combien est-ce que tu me chargerais? Puis ils vont le faire la plupart du temps. Ça ressemble à du nougat, je trouve. Oui, un peu, ouais. En effet. Ensuite, Stone Brewing va ouvrir un hôtel de bière en 2018. Si tu penses que tes vacances devraient être au complet construites autour de la thématique de la bière, il va falloir que tu ailles dans le sud de la Californie, à SoCal. Ils vont faire de tes rêves une réalité. La compagnie prévoit ouvrir le Stone Hotel à Escondido, en Californie, directement de l'autre côté de la rue d'un complexe de microbrasserie. Rien de moins, écoute. Ben, tu sais, t'as une belle vie. Pour te saouler pendant tes vacances. Ça. En tout cas, on va encourager Tania et son manque de... De vacances biliaires. Ouais, oui, de vacances, c'est ça. Moi et mon manque de vésicule biliaire, je suis pas sûr qu'on irait passer 3 semaines là-bas. Pas sûr. Donc, cet établissement permet aux invités de savourer l'expérience de la bière de microbrasserie à partir de leur arrivée. Même le design du stationnement est inspiré par de la bière qui coule d'un fût. Quand tu arrives et que tu t'inscris, les invités donc reçoivent une bière gratuite et une sélection de 3 bars. Attends, a choice of 3 hotel bars. Oui, et une sélection parmi 3 bars d'hôtel qui offrent une grande sélection de bières, incluant des choses rares et limitées. T'as un système de livraison dans votre chambre et une expérience culinaire unique est aussi promise. Ils ont des détails encore qui n'ont pas sorti, mais l'hôtel a aussi une piscine sur le toit et un jardin. La piscine, c'est de la bière. Non, c'est pas vrai. C'est parfait. C'est de la bière qui est dedans. T'as des chemins de promenade aussi et t'as un événement une scène d'événements extérieurs. Tout ça devrait ouvrir en 2018. Oh boy. Wow, Stone Brewing Company. Maintenant, non, oui, non. Je sais. Je non. sais. Je sens que la plupart de ces nouvelles-là, mais dans une grosse pointe d'adresse, on dirait que ça m'a tenté de la mettre. C'est un Starbucks qui se défoule avec Pokémon Go! Les baristas du Target Redlands Starbucks, donc c'est dans un Target, comment on appelle? Oui. On appelait ça dans le temps un Stargate, quand il y avait un Starbucks puis un Target, un Stargate. C'est ce qu'on a pu ici. C'est ce qu'on a pu ici, tu sais. Je pense qu'on a besoin d'un moment de silence. Voilà. Donc, les baristas du Target Redlands branch de Starbucks sont vraiment entrés dans la folie de Pokémon Go avec plein de boissons à thématique de Pokémon Go. Comme vous pouvez le voir dans les photos, les baristas étaient déguisés avec leurs petits... en fait, je trouve pas qu'ils sont tant déguisés que ça. Non, mais t'as-tu lu le... le paragraphe, par exemple, qui dit qu'ils ont aussi l'air de triper sur Harry Potter si tu te fies à la photo. Mais pourquoi? Parce qu'il y en a un qui ressemble à Long Dubois. Ok, tu vois, j'aurais jamais... C'est pour ça que j'ai pas lu, j'ai pas compris ça du tout. Le gars, il ressemble à Longbottom? Oh, ouais. Ah oui! Le genre de nerd un peu, là. Ouais, qui tripe sa botanique. Ok, ouais. Bref, ils ont déguisé leur pancarte plus, leur tableau et tout ça, et ils ont renommé les drinks. Donc, par exemple, le Frappuccino s'appelle le Bulbasaur Frappuccino, etc., etc. Il y a juste un exemple. Non, il y en a d'autres. Le Dumbledore. Il y en a un Dumbledore! Oui, le Purple Drink, Dumbledore Purple Drink. C'est Fruit de la Passion. Peter avec, Gryffindor. Oui, Gryffindor, Frappuccino. Et puis, tu peux aussi te taguer sur leur compte Instagram. Donc, taguez-vous lors de vos aventures, disent-ils. C'est le S-Box, donc pour Starbucks, soulignement D1107. C'est leur numéro de succursale. Comment faire parler de ta succursale? Ben oui, mais c'est de même, ça marche. What a marketing! Pour vrai, ils sont fous. Ils sont quand même fous. On va chez Pizza Hut, si ça te tente. Ah oui, d'accord. Pour une boîte en carton qui se transforme en table de Ricky de mixage. Pas pire, ça, pas pire. Les spécialistes des chaînes de restauration multiplient les campagnes marketing, nous dit Click.com. Et cette fois, Pizza Hut transforme la traditionnelle boîte en carton en véritable table de mixage. Au Royaume-Uni, la chaîne Pizza Hut annonce que certaines de ses boîtes contenant une pizza révèlent une petite surprise. Ces dernières pourront effectivement devenir des tables de mixage. Pour ce faire, la société a signé avec le spécialiste de l'électronique imprimée Novalia. La boîte est en mesure de se connecter via Bluetooth à un ordinateur ou un smartphone et de contrôler certaines applications spécifiques comme Serato ou DJ Pro. La technologie de Novalia propose d'apposer des capteurs tactiles sur n'importe quelle surface et dans ce cas, ces derniers sont simplement collés sur la boîte en carton. On trouve donc tous les éléments d'une véritable table de mixage, quelques gouttes de graisse en plus, bien sûr. Fallait voir le petit exemple. Je pense même qu'il y a une démonstration musicale de leur boîte pizza. Ça dit goûter la liberté. Qu'est-ce qui se passe lorsque de la musique et une boîte de pizza font collision? Ça ressemble à aucune autre boîte de pizza avant. Elle se connecte via Bluetooth à votre laptop ou téléphone intelligent. Ça va, on l'avait compris. Et l'application synchronisée vous permet de mixer comme votre DJ préféré. Le DJ soi-disant suspensionné arrive. Le premier boîte de pizza DJ, ouais. J'ai pas le choix de limiter l'accent. Mais oui, hein, clairement. Donc, il fait play. Il fait Q pour cueer sa prochaine tune. Il baisse le volume un petit peu. Évidemment, les boutons en tant que tel bougent pas, mais ça baisse et ça monte le volume quand même. Yeah. Fais-nous une tune, là, bro. Live on mic, you know who's in charge. Il s'appelait... Ah, c'est pas le volume. C'est pas le volume, c'est la transition de la gauche à la droite. Ouais. Imbécile. Mais il y a des boutons volume en haut. Ouais. Il est fait sur la deuxième chanson. Il a décéléré un petit peu l'autre chanson pour arriver sur le même RPM. Oh, il a monté le volume. Ah, il peut changer le pitch avec des boutons aussi. Plus aigu, plus grave. Tu vois qu'il fait pas grand chose. Il fait ouais. pas grandes options. Fait qu'il... Non, mais c'est sûr que c'est une boîte de carton, Mathieu. Ouais, je sais bien. Mais pourquoi il a demandé à un DJ professionnel de. Presque honteusement faire ça. Bon, c'est pas si fait. Taste Freedom, goûter à la liberté. Hashtag Pizza UK. Les restaurants Pizza au Royaume-Uni. Ensuite, toujours dans une grosse pointe d'adresse, McDonald's. Est-ce que t'as entendu parler que McDonald's donnait dans ses joyeux festins une petite montre d'activité physique? Non. Non? Ben, ça tombe drôle parce qu'ils l'ont enlevé du marché. Parce Mais oui, évidemment. Les activity trackers, donc les trackers montres d'activité, ont brûlé les bras des enfants qui les portaient. Casey Il a brûlé un bras d'enfant. Ouais, un bras rapporté aux autorités de McDonald's. On sait pas s'il y en a plus. C'est peut-être la mère qui... Non, excusez-moi. Oh boy! Oh boy! C'est comme la fille, elle s'est fait violer, mais c'est parce qu'elle apportait quelque chose de... Non, non, non! Hein? C'est oh! vraiment pas de même type! Victim blaming! C'est vraiment pas la même chose. Casey Collier qui a dit donc que son fils avait un bras rougi après avoir eu l'appareil sur son bras pendant quelques instants. La chaîne de fast-food McDonald's a donc arrêté de donner sa montre de... Ben, c'est pas une montre en passant, c'est un genre de bracelet qui compte les pas. Là. T'avais ça dans les spéciales cas des années 90. Exactement. Là. En tout cas. Donc, c'était dans une mère de l'Arkansas qui dit que son fils de 4 ans a été brûlé. Brûlé, bon, faut le dire vite, hein, quand même. Quand même, là. Tu sais, le petit gars, là, il y a une plaque, genre. Ouais, genre. C'est comme... Il a dû se gratter. Ouais, tu sais. Et en tout cas, bref, c'est comme s'il a mis genre sa cuillère chaude, mettons, un petit peu sur son bras, tu sais, 2 secondes. Bref, le 13 août, Collier a posté des photos sur sa page Facebook. Le pédomètre se porte comme une montre, donc, et selon Engadget, les jouets étaient donnés dans les joyeux festins aux États-Unis et au Canada. Je savais pas que c'était disponible ici. Et une critique du jouet dit qu'il y a un bouton power et soit d'affichage numérique ou de la lumière qui entoure la face de du bracelet, c'est ça. Et c'est dit que c'est en plastique et la madame elle a remarqué de la chaleur qui sortait de la montre du bracelet. Ouais, quand mais elle, ça doit être la lumière. C'est peut-être la lumière, c'est peut-être ça. Elle a pas amené son enfant chez le médecin parce que les marques avaient l'air de s'en aller toute seule. Elle ne cherche pas à poursuivre McDonald's, mais elle voulait que la chaîne retire le jouet de ses joyeux festins. C'est ce qu'ils ont fait finalement. Des plaintes par rapport à l'irritation de la peau, il y en a plusieurs par rapport aux activity trackers. Fitbit avait d'ailleurs retiré certains modèles. Je crois que c'est un modèle après une poursuite en class action lawsuit en 2014 parce que ça piquait sur les bras des gens. Et la compagnie a rappelé le produit pour les autres. Ils ont commencé à mettre des avertissements par rapport à l'utilisation prolongée de leurs bracelets, donc chez Fitbit. Ensuite, tu as déjà sûrement entendu parler du... c'était le croissant mélangé avec un... On appelait ça comment? Muffin? Muffin, non, ça faisait un, tu pouvais moucher les mots ensemble. C'est deux mots ensemble. T'avais croissant. Moi, je me rappelle pas. Attends un peu. Est-ce que ça dit dans l'article? Ça dit pas, hein? Un bagel? Non. Crossgold? Bacon? En tout cas, bref, il y avait un mélange de croissant et d'autres choses il y a quelques mois, ouais. Je me rappelle pas trop quoi. Le cronut! Ok. Croissant et bang. Cronut! Oui. Non, maintenant, voici qu'arrive son cousin, le Muffgull. Ok. Scott... On dirait une équipe d'Harry Potter, là. Les Muffgulls. Les Muffgulls. Scott, je suis sûr qu'il gagne contre les Zeke. Scott Russillo de Bagel Store à Brooklyn. C'est méchant. Les mêmes qui étaient derrière le Rainbow Bagel, dont on parlait il y a quelques semaines. Donc, il a semi-inventé cette monstruosité qui mélange le muffin et le bagel au mois de juillet. Donc, Russillo a écrit un courriel à Gothamist pour leur dire que l'inspiration venait d'une publicité à la radio qui avait inventé en fait le thème Muffgull, qui faisait justement des blagues par rapport à la mode du cronut à New York. Donc, il s'est inspiré de la publicité à la radio pour faire ça, pour vraiment faire les Muffgull. Donc, ils en fabriquent 42 par jour et souvent, on va tous les vendre avant la fermeture. Donc, Muffgull, Muffin et Bagel mélangés ensemble. Donc, c'est comme, genre, t'as le dessus et le dessous d'un muffin, et c'est coupé en deux, et au milieu, t'as un bagel. Mm-hmm. C'est quand même assez simple. Quand même. Ça, c'est pour la photo qu'on voit en bas. Dans celle qu'on voit en haut, ça a l'air d'être comme... C'est pas la même chose en haut. Non. Est-ce que c'est comme... Je pense que c'est peut-être la pâte utilisée pour faire un muffin. Mais en forme de... non, c'est la pâte utilisée pour faire un bagel, mais mise en forme de muffin, je crois. Possible. C'est comme un muffin que tu mâches, comme un genre de truc déjeuner avec bacon, œuf dedans. Ça goûte le bagel, mais c'est en forme de muffin, j'imagine. C'est pas super expliqué, je trouve, mais bon. Il y a plusieurs modèles, on dirait. Donc, allez voir ça. Oh, attends un peu. Il y avait la pub qui les a inspirés. Je vais entendre ça. Ah oui? C'est une publicité d'une loterie new-yorkaise. Quick draw from the New York Lottery draws New Yorkers together. Approche les gens. Unlike waiting in line for the latest food. Contrairement à attendre dans une file pour la plus récente mode. Hey, est-ce que tu attends pour un muffin? Oui, je peux presque goûter le mélange entre muffin et un bagel maintenant. So how long is the wait anyway? Combien de temps? I've been here since last Tuesday. Est-ce que la file est longue? Oui, je suis ici depuis mardi dernier. Wow, that's a long time to wait for a muffin. Ah ouais, ça fait longtemps que t'attends un muffin. Non, ce n'est pas un muffin, c'est un muffin mélangé avec un bagel. C'est un muffin. Wow. Sorry. Calme-toi. Désolé. Je veux vraiment un muffin. Écoute, on va tous avoir un muffin. C'est pas comme si j'avais manqué. Bon matin, on n'a plus de muffin. Awesome. Génial, super. Now, I'll never get a muffin. Maintenant, je vais jamais pouvoir manger un muffin. Alors, jouez à Quick Draw. Like bars, delis, and restaurants. With winners every four minutes, c'est pas un peu long. It's a fun way to get Jouez responsablement, vous devez avoir 18 ans. Under 21 years may not purchase Quick Draw where alcoholic beverages are served. Ceux qui ont plus de 21 ans, t'as un peu. Ceux qui ont plus de 21 ans ne peuvent pas acheter un billet de loterie dans les endroits qui servent de la boisson. Ceux qui ont moins de 21 ans. Attends, on va réécouter juste pour la fin. Pas toutes, là. Please play responsibly. You must be 18 or older to purchase a lottery ticket. Persons under 21 years may not purchase Quick Draw where alcoholic beverages are served. Ouais. Les gens de moins de 21 ans peuvent pas acheter un billet de loterie dans un endroit qui sert de l'alcool. Bizarre pareil. C'est des affaires qui m'intriguent. Possible. Là. Ouais, possible. C'est juste intéressant pour moi, je pense. L'émission est presque finie. On va continuer avec une barre tendre qui est protéinée. Donc, une RX bar. C'est avec une protéine de soya, du tapioca, du sel, de la gélatine, de la protéine de whey. Whey, c'est lequel? C'est du blé. Hydrolysé. Et du collagène hydrolysé. En fait, c'est les premiers ingrédients d'une barre de protéines qui s'appelle RX bar. Et puis, ça dit que c'est... À la place d'avoir plein d'ingrédients dedans, les ingrédients sont écrits sur la barre. Donc, tu as par exemple, il y a une barre qui a 3 blancs d'œufs, 6 amandes, 4 cachous, 2 dattes, pas de niaisage, no BS, pas de bullshit. L'autre, c'est 3 blancs d'œufs, 6 amandes, 4 cachous, 2 dattes, pas de BS. Pas mal la même affaire pour les autres, en fait. Mm-hmm. Mais à saveur de chocolat et sel de mer. Ah, le premier, c'est chocolat et noix de coco, pardon. Et le dernier, c'est bleuet. Donc, les ingrédients écrits directement sur la barre. Et on va terminer avec celui-là. C'est des pops à la vodka, Tania. Mmh. Un bon petit buzz pendant que vous refroidissez un petit peu les esprits à l'extérieur ou peu importe. 3 saveurs, dont pomme. Blackcurrant, c'est des mûres, je crois. Et citron lime. Tout ça avec 6,4% d'alcool par volume pour $31.15 l'emballage. C'est sur firebox.com. Ça s'appelle les Icicle, I-C-Y-C-L, Vodka Ice Pops. C'est en emballage de... Attention, qu'est-ce que c'est écrit? Un emballage de 6, 2 fois chaque saveur. C'est des myrtilles, les blackcurrants. Les myrtilles, oh mais myrtilles, ça c'est en France. Mais les cassissiers. Les cassis, voilà. En France, ils disent myrtilles, puis ils disent belles affaires bizarres aussi. C'était pas méchant. Ouais, mais c'est vrai aussi. Mais dans les informations sur firebox.com, t'as satisfying girth. Oh boy. Et girth est un mot qu'on utilise pour la circonférence de pénis. Mm-hmm. Donc une circonférence satisfaisante, mesdames. 6,4 et messieurs. 6,4% d'alcool par volume. Ouais. C'est tout. 6,4 quand même. C'est pas pire fort. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. Colin, on va dépasser comme évidemment le veut à la tradition. Hein? Mm-hmm. Mais merci d'avoir été là. Merci Tania Baudin. Hey, ça fait plaisir. Merci à toi, Mathieu Plante. Excellente émission qu'on a vécue ensemble. Tout à fait. C'était bien plaisant. On va repartir la semaine prochaine. Ok, oui. Et les semaines subséquentes jusqu'à nouvel ordre pour l'édition estivale d'Assemblage Requis. On se retrouve mardi prochain entre 14h et 17h pour une autre édition. Après nous, il y a du baseball qui s'en vient à 18h55, heure du mardi. Ensuite, on repasse le samedi entre midi et 15h. Reste à l'écoute. Et le dimanche, il y a du baseball. Non, il n'y a pas de baseball. Et le dimanche entre 10h et 13h. Donc soyez-y. C'est Foissière pour la programmation complète. AssemblageRequis.com pour les notes de l'émission Les Balados Diffusion. Merci à tous les requins d'avoir écouté. Merci à toi encore une fois, Tania. Et on se quitte avec une pièce de Daniel Romano.